Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue une nouvelle fois dans les Staminaires, votre rendez-vous société, techno et culture pop. Non, merde, on a dit qu'on changeait l'intro. Attends, qu'est-ce qu'on fait ? Salut les cons, salut les autres ! Non, celle-là aussi, on l'a déjà fait. Chers auditeurs, chers amis, et Valentin aussi, bonsoir, salut, je m'appelle Matt et je suis ravi de vous accueillir dans notre établissement, dans les Staminaires, votre podcast donc de société, de techno et de culture pop. Vous le savez, les Staminaires, c'est un peu comme un estaminet. Mais pour les nerds. Et une nouvelle fois, nos piliers de barre n'ont pas changé. J'accueille évidemment Monsieur V pour Valentin. Ouais. Bonsoir. Valentin, as-tu pris des nouvelles de ton araignée? Non. Par contre, j'ai croisé sa cousine il y a 3 jours et je lui ai explosé la gueule avec une pelle. J'étais fier de moi, non, parce que j'ai tué un être vivant innocent qui était flippé de ma présence. Comme dans le film Bernie, en fait, c'est ça? De quoi? Comme dans le film Bernie. Oui, c'est ça. Alors, c'était une pelle de. Comment? Pour ramasser la poussière, quoi. C'était. Ah oui, d'accord. Pelle, une petite pelle, une grosse pelle en fer. Mais oui, j'ai réussi à vaincre ma peur parce qu'elle était beaucoup plus petite, donc ça allait. Nous en sommes au 10e épisode. Est-ce que les gens t'envoient des bottes en souvenir des belles anecdotes que tu nous as racontées? Non, toujours pas reçu de bottes. D'ailleurs, dépêchez-vous parce qu'elle commence à sentir un peu celle que j'ai du coup. Mais l'adresse de Valentin s'affiche en bas de votre écran. Évidemment, on accueille aussi Mister Yanda, hein, qui est un peu. Bonsoir, Mister Yanda. Et le bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Yanda, les gens nous réclament de plus en plus d'anecdotes autour de ton passé de canapiste, hein, comme on dit. De canapiste, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, il faut savoir qu'il y en a énormément d'anecdotes autour de cette partie de ma vie professionnelle. Donc, il y a de quoi faire. Alors après, tout n'est pas forcément racontable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont visuelles, il faut les explications et tout, mais enfin voilà. Ce métier est un film. Tu peux faire un film de tout ce qui t'arrive. Moi, je propose que pour l'épisode 50, on invite le fondateur de cette chaîne de canapés et qu'on fasse un numéro spécial canapé avec Yanda et qu'on raconte l'histoire de ces canapés de A à Z. Il y a notamment une anecdote de péage, hein, qu'il va falloir que tu nous racontes, que j'aime beaucoup. Ouais. J'y ai eu droit il y a quelques années, mais je veux une rediff. Très bien, pas de soucis. Vous avez entendu la voix de notre ami Chris 2. Salut Chris 2. Salut Matt. Toujours pas non, tu es très sage, ton colon va bien, ta glotte va bien, pas de rototo baveux, rien du tout, non, tu continues à être très très sage quoi. Ouais, non, je suis fidèle à moi-même, hein, je suis voilà, un petit peu le trubillon hein, de cette équipe, hein, le gars avec qui on rigole beaucoup, hein, toujours, voilà. Est-ce que tu t'es décidé à aimer quelque chose depuis qu'on a commencé cette émission, toujours pas? Écoute, j'ai beaucoup aimé ta fausse improvisation au début de ce numéro, c'était vraiment super. Vous voyez pas du tout que c'était écrit. On la garde cette intro alors ou on la change? Qu'est-ce qu'on en fait du bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous? Je pense que t'aurais pu dire salut les petits clous pour être original, mais bon, c'est pas grave. Moi je l'aime bien, je m'y suis fait à cette intro. Franchement, ouais. Le fait que ce soit un truc qu'on ait piqué à Michael Youn en plus, c'est bien parce que c'est un mec qui piquait des trucs lui d'habitude, donc c'est. Ça rejoint ce qu'on disait avec Punky la semaine dernière. La dernière fois, dans le dernier épisode. Et oui, car il n'y a pas de temporalité. On a oublié la question rituelle et après on s'y met. Messieurs, qu'est-ce que je vous sers? Un bol de vitamine D parce que j'ai fait 2 heures de route et que je suis un peu fatigué ce soir, peut-être. Voilà. Sinon, de l'eau, c'est bien aussi. Moi, je te prendrais un cocktail de rangement et travaux puisque je suis actuellement en vacances. Et comme on le sait tous, les vacances des adultes ne sont pas du farniente et de la prélassade, mais plutôt le moment de t'attaquer à tous ces trucs que tu as dit au cours de l'année. « Oh, je ferai ça plus tard ou je verrai ça quand je serai en vacances. » Et là, t'es en vacances, donc là, t'es dans l'entonnoir, donc là, t'es obligé de le faire. Mais c'est dur, c'est très très dur. Voilà, c'est ma vie actuellement. Quel beau cocktail. Eh ben écoute, moi je sais ce que je ne vais pas prendre, je ne prendrai pas de me-cola, parce que j'ai beau être normand, j'ai déjà goûté le me-cola et c'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'était le message du jour pour soutenir les producteurs locaux, n'en buvez pas, c'est de la merde. Voilà. Le mec n'aime rien. Moi je vous ai ramené mon rhum préféré. Il est très très bon, voilà. Il s'appelle le Original Dark. Je connais pas bien l'étiquette, je vais essayer de la lire parce que j'ai tendance à le boire et pas vraiment à le lire. Et on va en boire un peu, ça va être très bien. Oh bah oui, quel joli son. Voilà, Hein, ça fait glouglou, faut pas en mettre trop par contre parce qu'après bah, on saura plus ce qu'on dit. Et puis bon, j'ai pris un peu d'eau quand même évidemment parce que bon bah faut faire un peu couler tout ça. Écoutez, ne parlons pas de rangement, ne parlons pas de travaux, mais parlons plutôt de Top 10, Valentin. Ce soir, c'est une émission exceptionnelle car cette fois, c'est moi qui ne sais pas de quoi on parle. Eh oui, je vais faire un peu l'homme sandwich ce soir. On pourrait croire que c'est un placement de produit, mais pas du tout. C'est juste que je kiffe ce jeu qui est sorti c'était vendredi dernier, donc le 31 juillet 2020. Et c'est super bien pour ceux. Est-ce que vous aimez les jeux d'ambiance, les jeux de type apéro non. qu'on sort? Alors, Chris, je m'en doutais un peu. Donc t'inquiète pas, je vais pas être très très long, mais les deux autres. Eh bien écoute, oui, pourquoi pas, tout à fait. Est-ce que vous sortez un petit Time's Up ou ce genre de choses en réçoit, non? Tu veux dire quand nos amis viennent à la maison? Ouais. Jamais, puisque pour ce faire, il faudrait avoir une vie sociale. Et voilà, c'est quelque chose que je ne pratique pas. Donc... Bah écoute, moi, la dernière fois que je t'ai invité, tu n'es pas venu, Valentin. J'ai invité Yanda, qui n'est pas venu non plus. du coup, j'étais avec mon Time's Up et puis ma bouteille de rhum. On était bien. Et comme je voulais pas jouer, du coup, Chris voulait pas jouer, évidemment. Donc Matt se faisait des mimes à lui-même et du coup c'était pas fifou quoi. Mais j'ai fait un dessiner c'est gagné de folie. Top 10, alors je vais vous résumer le jeu très très rapidement, mais c'est du même, si vous aimez le Time's Up et ce genre de jeu d'ambiance, vous allez kiffer Top 10, c'est sûr. En gros, pour faire simple, chaque participant, ça se joue entre 4 et 9 joueurs, chaque participant a un numéro que lui seul connaît, et en fait, selon un thème donné, il doit réussir à se positionner par rapport aux autres. Par exemple, je vais prendre une carte au hasard, j'aurais pu en choisir une, mais j'ai pas fait, donc je vais lire la première qui me vient. On vous offre une place pour un concert unique, lequel de la mauvaise surprise à la très bonne surprise. Donc, selon que vous avez le numéro 1, le numéro 4, le 6 ou le 10, vous allez donner une réponse différente. Et le capitaine du tour va après devoir essayer de remettre dans l'ordre les propositions pour donc là, par exemple, moi, je récupère la carte « On m'invite à un concert voilà. ». Je dois dire quoi? Je dois dire si c'est plutôt une bonne surprise ou je dois dire le nom d'un concert? Tu vois, en fait, le thème que je lance, il est général. Tout le monde a entendu le thème. Toi, tu as juste une carte avec un numéro. Donc, mettons ça, que tu as le 4. Ça, j'ai compris. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas fifou comme concert, si c'est le 4. Exactement. Donc, tu dois... Ouais. Alors, quelle serait la réponse pour toi? Et du coup, je dis un concert pas fifou? Voilà. Mais moi. Tu dis pas que c'est pas fifou, d'accord, tu dis juste okay, le concert. Ok. Donc, je ne sais pas quel concert tu choisirais. Voilà, mettons que moi j'ai le 1, ce serait un concert de Jul, mettons. Et donc là, vous savez que je suis... Enfin, vous doutez que je suis pas très haut au niveau de ma carte. Parce que le 1, c'est le pire. Le 1, c'est la mauvaise surprise. Le et la 10, c'est la très bonne surprise. Parce que j'ai cru découvrir une nouvelle facette de ta personnalité. Je me suis dit, putain, t'aurais sûr qu'il non, fait non, un concert de Jul. Non, c'est un 1, même s'il y avait du moins 7, je pense que voilà, ça va être... Mais non, ça ne va que de 1 à 10. Matt, je te voyais pensif. Tu cherchais un concert qui équivaut à 4 sur 10 pour toi? Ouais, un concert qui serait bof, mais voilà. Enfin, c'est compliqué, un concert qui serait bof, mais pas trop. Ouais, c'est dur, et c'est sûr, c'est souvent ça, en fait. C'est les cartes qui sont dans les moyennes. Bon, en fait, c'est dur de trouver une idée, et c'est ça qui rend le jeu un peu piquant. En fait, j'ai pas de nom, mais un concert qui serait 4, pour moi, ce serait un concert genre où j'aime pas la musique, mais je sais que ça va être un beau spectacle, tu vois. Genre yes. Mylène Farmer, par exemple, tu sais que ça va être chiant oui, musicalement, mais que tu vas te faire un bon spectacle. Et ben c'est pas mal, et ben voilà, exactement. Et si on te connaît un peu en plus derrière, on peut. On va avoir tout le fun club deviner. De Mylène Farmer sur le dos, bah merci. C'est ah ça, bah désolé, attends, les goûts et les couleurs, on peut plus rien dire ici. C'est vraiment formidable, on ne peut plus rien dire. Exactement. Donc voilà, je vous en fais un dernier exemple pris au hasard pour le fun. Chris n'a pas joué. Je non note au mais passage, bon mais, Chris ouais. Voilà. Laisse-le. Non mais c'était vraiment très fun. Merci. Ah bah, on va rester dans le thème de l'estamineur. C'est votre premier jour de travail dans un zoo. Vous êtes de corvée de caca. Dans quelle cage êtes-vous affecté? De la pire cage à la meilleure cage. Ah ouais. Mais il faut qu'on ait nos numéros. Et faut que vous ayez vos numéros. Mais c'était pour ouais. vous donner un exemple de carte de top 10. Ça va du thème assez rigolo et neutre au thème bien nul à base de caca comme celui que vous venez d'entendre. Ce qui en fait donc un jeu exceptionnel. Bah moi je voudrais pas nettoyer la cage de maths, hein, je te le dis. Bah, ouais, là on est sur du 12 sur 10. Voilà. Donc c'est voilà, c'est Top 10, c'est très bien, c'est sorti il y a pas longtemps et je suis absolument fan de ce jeu et je me tape des barres en soirée avec des amis puisque moi j'aime la vie et j'ai des amis. Tu voilà. as des amis qui viennent chez toi quand tu les invites ? De quoi ? T'es des amis qui viendraient chez toi par exemple quand tu les inviterais ? Tu trouverais pas une excuse genre ouais non mais je bosse ce genre là tout ouais, ça ? Ouais, c'est ça. Ce genre d'amis ? Ouais. Ouais. Ouais, en fait je bossais pas vraiment chez... Va pas chez Matt parce que quand tu viens chez lui, il joue de l'automaton après et du coup Ah oui, quand il est bourré, il y en a qui sortent de la guitare, lui il sort de l'automaton, ouais, c'est ouais. C'est dommage. J'aurais pas aimé nettoyer la merde des hippopotames. Je sais pas si vous avez déjà vu faire caca un hippopotame parce qu'en fait il bat sa merde avec sa queue comme oui. ça. Oui, oui. Comme un petit éventail, c'est absolument. C'est formidable. C'est joli à voir. Oui, mais à ramasser, ça doit être un peu pénible. Oui. Absolument. Voilà, voilà, c'était Top 10. Mais Top 10, c'est un jeu qui a été lancé par un éditeur de jeux connu ou c'est un truc qui a été fait par un financement participatif ? Oh là, oh là, tu croyais que j'allais faire une présentation exhaustive et quali du jeu ? Écoutez, monsieur, absolument pas. À un moment, la France demande des informations. Donc, nous avons le droit de savoir. C'est un jeu, un jour il faudra peut-être l'inviter, tiens, le copain Vianney qui bosse dans un magasin de jeux à Rennes. Vianney, mais il est pas là. Qui peut te parler, hein ? Il est pas là. Il est pas là, il est où ? Il est pas là. Ah bah, il est où ? Pas là. Il est pas là. Non, non, mais... Vianney, ce serait un concert 4 sur 10, ça c'est une certitude quoi. L'économie du jeu de société, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et bref, du coup Top 10, non, c'est pas du tout, ça a pas du tout été fait par financement participatif, ça a été créé dans le circuit classique de l'édition de jeu, en fait, c'est Aurélien Picolet, P-I-C-O-L-E-T, qui est... Oui, je le connais très bien. Qui a bah bien sûr qui a créé ce jeu Top 10 et qui voilà s'est fait éditer par il a trouvé un éditeur donc qui est Cocktail Games et attends le mec s'appelle Aurélien Picolet. Absolument. Et il est chez Cocktail Games. Voilà, exactement, c'est mal, formidable. Et mal, ouais. Et il a fait un jeu d'apéro et ça c'est plutôt stylé. Voilà, donc chemin classique de création de jeu quoi. Il y a un jeu dont je vais vous parler dans peut-être pas le prochain numéro, mais le suivant. C'est un jeu qui m'a été remis directement par son créateur. Alors l'anecdote est cocasse, vous allez rire. J'étais avec Marvel, vous savez, le youtubeur de Les Chroniques de Marvel. Et du coup, il était reconnu par ce créateur de jeu qui lui a dit « Bon bah tiens, je t'offre mon jeu, comme ça tu le testes. Et puis si t'as bien aimé, tu fais un petit tweet et alors, c'est cool. » Attends, j'ai une révélation à faire à la fin de ton anecdote. Et le mec m'a regardé, il dit « Wow, bah tiens, bah prends-en un aussi du coup. » En mode « Bon bah t'es là, je t'en donne un aussi. » Tiens, et le du jeu. Coup, il faut que je teste ce truc-là probablement avec mon fils puisque ça a l'air d'être OP pour les kids et du coup on en parlera quand je l'aurai testé. Donc tu veux voilà. pas dire le nom du jeu pour l'instant non plus ? Je peux te trouver le nom du jeu si tu me laisses 20 minutes pour aller chercher dans le bordel sur la table de mon salon. Ah oui, d'accord, ok. Ça en fait c'était pas avec Marvel, c'était avec moi donc je suis un peu vexé. C'était WFCBD à l'intrépide. C'était avec toi. Ouais. Tu ressembles vachement à Marvel. C'est pour ça que je voulais te laisser continuer à raconter ton histoire. Malheureusement, ça n'a pas été. Je me suis dit, il va continuer à monter un truc de ouf. Et en fait, c'est pas la bonne personne. Mais malheureusement, ça n'a pas été beaucoup plus loin. C'est dommage. C'est... Oh, je me souviendrai toujours quand Marvel s'est pété la gueule en sortant. Oh là là. C'est ça, ouais. Et non, ça s'appelle Rainbow. Mais je me souviens plus de l'orthographe. Je l'ai pas sous le nez. Je suis désolé. Je me souviens plus de l'orthographe. En fait, c'est une sorte de jeu de cette famille à base de couleurs. Voilà. On est quand même d'accord que le mec t'a reconnu du coup parce que c'était pas Marvel. Enfin, il a reconnu Marvel, mais en fait c'était Chris, il s'est trompé. Peut-être. Le mec te l'a filé à toi parce que t'es célèbre. Et bon, comme j'étais là, il a dit ouais bah tiens, l'autre con, je t'en donne un aussi. On est bien d'accord là-dessus. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Mais je pense que tu te dévalorises un peu. Je pense que tu donnes une mauvaise image de toi. Tu as tort. C'est l'histoire de ma vie, ça. Le syndrome. Et ben voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. C'était... Non, du coup, je suis un peu surpris parce que quand Valentin a annoncé Top 10, je pensais qu'on allait parler comics et que notamment avec la très bonne série Top 10 publiée par Urban Comics, évidemment. Et oui, et écrite par Alan Moore. Et dessinée par Jane A. Absolument. À toi, surenchérie, vas-y, surenchérie si t'es cap. La page 47, il y a le mot donc. Je te laisse aller vérifier. Ce sera jamais le bon tome de toute façon. Ah bah non, c'est pas dans le. C'est ça. Est-ce qu'on parlerait un peu des tirages de tête de Urban qui vient d'annoncer du coup qu'ils allaient sortir des livres bien bien chers et que ça a fait un peu jaser et on n'est pas tous d'accord sur ces bouquins donc autant en parler. Qu'est-ce que c'est un tirage de tête en bande dessinée ? Un tirage limité ? Limité. Alors limité et de qualité comment dire over the top d'excellent enfin annoncé, puisqu'on jugera sur produit fini, mais annoncé d'excellentes factures, si je ne m'abuse. Et qualité supérieure à la normale, enfin, pas à la normale, à la. Moyenne. À l'habitude, quoi. Oui, à la moyenne, mais merci. Ouais, c'est Valentin. De la belle édition, quoi. C'est pour les collectionneurs, voilà, t'as vu, c'est... Effectivement. C'est plus de l'objet que du livre à proprement parler, je dirais. Mais je ne connaissais pas cette expression tirage de tête. Du coup, c'est un. Bon, en fait, tu l'as beaucoup sur les. Notamment sur les financements participatifs. Si on a suivi le financement participatif de Laurent Lefebvre sur Comics Initiative, tu pouvais avoir les bouquins pour 4 ou 5 fois le prix parce qu'ils étaient en tirage de tête et qu'ils avaient du coup une autre qualité de fabrication, d'impression, des pages plus grandes, tout genre de choses, quoi. Très bien. C'est vraiment des objets de collection. Les titres qui sont annoncés. Oui. Dans cette collection extraordinaire. Il y en a 3. C'est. Batman Last Night on Earth qui sera vendu 35€ pour 176 pages. On a aussi Batman Curse of the White Knight, donc qui est la suite du White Knight de Sean Murphy, qui fera lui 59€ pour 288 pages. Et on a Doomsday Clock qui est le plus fat, qui fait 448 pages et qui sera annoncé à un tarif de 69€. C'est celui que je vais prendre, c'est celui que je vais prendre. Et du coup, c'est le... Bah, non, il n'y a que Last Night on Earth qui est sorti pour l'instant, en fait. Oui, les deux autres, Curse of the White Knight et Doomsday Clock, sont prévus pour... pas quelques jours, mais quelques semaines avant, du coup, la sortie de ces éditions limited. Et tu vas le prendre en édition normale ou en édition limited, du coup, Doomsday Clock en limited, pour ma part. Ah oui, en bien fat, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, parce que alors moi je suis je suis pas. Tu devras relever tes étagères parce que ça rentrera plus. Ouais, par contre. Ça va pas. Ou alors faudra que tu les ranges couchés. Oh, ouais. Je sais pas comment je vais faire, c'est un vrai problème. Oui, c'est un format ultra king size, on va dire, puisque c'est entre autres une des caractéristiques de cette collection là, c'est qu'on est sur du format 36-24, qui est donc pas loin. J'essaie de prendre un Rebirth de tête. Alors c'est non, c'est pas le double quand même, mais on va dire une fois et demie à peu près en hauteur. En gros, le format comics dur classique, c'est 17-24 le format comics, donc ça va être du 18-25 avec la couverture 1800. Oui, c'est ça. 20. Ouais, c'est ça. Ouais, 18-25. Et du coup, ce sera beaucoup plus grand. Ouais, j'ai regardé par acquis de conscience, mais pour voir s'il y avait déjà eu des sorties dans ce format-là chez Urban, et je n'en ai pas trouvé. Il y a des sorties en 24 cm de long, qui sont par exemple l'artbook de Liber Mero, le Justice League Icon de Alex Ross et Paul Dini notamment, il fait 24 cm aussi de long, mais 36 de haut, je n'en ai pas dans ma connexion, mais 24 cm oui, et ça fait effectivement du gros livre et du très beau livre, donc ça va effectivement mettre en valeur vraiment les planches des intérieurs. Mais avant de venir à ça, ce qui est drôle, ce que moi j'ai trouvé drôle, c'est drôle qu'on dit. C'est drôle. Ok, tu viens chez moi, on dit rose, on mange des chocolatines et c'est drôle. Ce qui m'a un peu fait réagir en plus, parce que j'ai vu passer pas mal de réactions, alors pas virulentes, pas forcément ultra négatives, mais assez peu enjouées sur cette collection. Pas mal de gens disaient « Ah, mais il aurait fallu plutôt sortir tel titre, faire ça comme ça, machin, etc. » La première des choses, que j'ai... Alors, chose aussi, hein, on dit bien sûr, toujours, c'est que l'édition, les trois éditions sont des éditions limitées à 1500 exemplaires. Ce qui, dans le milieu du comics... Voilà. Est un tirage qui fonctionne bien. Ouais, exactement. Quand tu sors, donc il y a une échelle de valeur assez pas biaisée ni biaisante, mais 1500 exemplaires, ça reste peu. Donc pour une édition limitée, pourquoi pas. Maintenant, dans le milieu du comics, il y aura pas, je pense, surtout au vu du prix, au vu de la qualité présentée de l'objet, une ruée qui fait que il faudra prendre day one le titre, sinon tu l'auras plus. Non, ça. C'est clair et net, je serais extrêmement surpris, d'autant plus au vu des titres qui ont été annoncés, que ça soit le cas sur l'un ou l'autre de ces trois titres. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, voilà, sur les titres choisis, etc., et il y a plein de gens qui râlaient en disant « Ah, oh, mais ça, à quoi ça sert ?» En plus de ça, c'est les mêmes contenus que les éditions classiques, puisque c'est quelque chose qui a été annoncé par Urban très vite, en même temps que l'annonce en fait de cette collection Urban Limited, c'est que le contenu des titres de ces éditions-là seront exactement les mêmes que les éditions classiques. Donc j'entends par là, bien évidemment, le contenu de l'histoire et des numéros, mais aussi des bonus et suppléments ajoutés à l'histoire. Et ça, je trouve extrêmement drôle que les gens réagissent en disant « Ouais, franchement, c'est pas bien pour le prix, en fait. C'est juste, on paye juste la qualité de l'objet, le changement d'édition, on n'a pas de bonus en plus. » Alors que tu peux être sûr que s'il y avait eu des bonus en plus, je trouve moi personnellement que c'est une bonne chose, qu'il n'y ait pas de différence de contenu entre ces deux objets-là. Et que ce soit pas une prime à ceux qui mettent plus d'argent, quoi. Exactement, parce que l'inverse... pour le coup, m'aurait surpris, et pas dans le bon sens du terme, je me serais dit, ah bah, c'est un peu con, parce que si effectivement, tout ce qui va être bonus et complément, c'est quelque chose qui est effectivement plus adressé aux fans, on va dire, ou en tout cas à ceux qui ont envie d'en savoir plus sur l'œuvre, et de le placer uniquement dans une édition limitée à un contenu quand même assez important, c'est les titres les plus chers jamais sortis par Urban en termes de prix pur et dur, ou en termes de rapport page-prix, mais du coup j'aurais été effectivement un peu déçu qu'on ait du contenu exclusif, donc ça je trouve que c'est une bonne chose, mais apparemment ça ne convient pas à tout le monde, c'est étonnant. Ce qui en fait donc vraiment un objet de collection uniquement destiné à ça. Mais c'est complètement ça en fait, c'est vraiment complètement ça. Et ce qui m'a fait moi réagir, et d'ailleurs je l'ai dit sur Twitter, parce que Twitter c'est l'impulsivité, tu vois là, on s'exprime, on y va. Moi ça me donne envie de te bloquer quand je te vois dans cet état-là. Non, bravo. Ce qui m'a fait réagir en fait, c'est que je vois, et ça avait été pareil, alors dans une moindre mesure pour l'OP à 4,90, mais je me dis que souvent, quand pour une collection X ou Y annoncée est sortie, le premier réflexe que tu as, c'est de venir voir les points négatifs, ou en tout cas, j'ai plutôt envie de dire les points qui ne te conviennent pas. Justement, est-ce que la question à te poser, ça serait pas, est-ce que cette collection m'est adressé à moi en termes de lecteur et en termes de type de lecteur que je suis, puisqu'il y a énormément de lecteurs différents, que ça soit par rapport au budget ou par rapport au titre que tu as envie de lire, etc., etc. Et forcément, tous les titres publiés par un éditeur ne peuvent pas être adressés à tous les lecteurs et tous les types de lecteurs sur le marché. Et typiquement, un objet de collection comme les bouquins de cette gamme Urban Limited, c'est pas pour un lecteur occasionnel, mais même, j'ai envie de dire, un lecteur hardcore, entre guillemets, un fan féru et aguerri, c'est pas forcément à lui que ça va s'adresser. Ça va vraiment s'adresser aux gens qui veulent un bel objet de collection qui va mettre en valeur les intérieurs et l'histoire, à la limite, même, on s'en fout. Donc c'est pour ça que le choix des titres me surprend pas tant, parce que quand tu regardes les artistes qui sont au crayon sur ces trois titres-là, bah tu retrouves Greg Capullo, Sean Murphy et Gary Frank. Donc voilà, ces trois artistes-là sur du 36-24, c'est cool, ça rend très bien. Donc pourquoi pas? C'est une collection qui n'est pas du tout a priori faite pour les fans de comics, et on est là pour s'en prendre plein la rétine, c'est ce que tu disais, puisque Last Night on Earth, c'est un peu la conclusion de ou l'apothéose de ce qu'a fait Snyder depuis qu'il a commencé à faire du Batman, c'était en 2011 avec les New 52, ouais. Voilà. Curse of the White Knight, c'est la suite du coup, et Doomsday Clock, et bah c'est là encore ça reprend énormément d'éléments de Flashpoint, de Watchmen, de la continuité DC, donc c'est juste pour s'en prendre plein les mirettes. Et oui, effectivement, c'est pas, à mon avis, c'est pas débile de viser le collectionneur de BD. Simplement, il y a plein de gens qui continuent à non mais le comics, moi je touche pas à ça, non mais c'est pas de la bande dessinée, c'est un produit commercial, moi ça m'intéresse pas. Et on fait des éditions vraiment collector qui sont dédiées et tournées vers un public collectionneur de BD pour faire rentrer un peu de Batman et de DC Comics dans les collections de ces gens-là qui jusqu'à présent allaient collectionner des tirages de franco-belges un peu précieux je sais pas si on a fait du Black Sad par exemple dans ces trucs là. J'aimerais bien avoir un tirage de tête de Black Sad. Envoyez-le moi, mon adresse s'affiche en bas de votre écran. Non mais t'as des trucs comme ça pour Moebius par exemple, enfin pour des dessinateurs qui ont vraiment des styles hyper marqués et tout. Enfin, il y a beaucoup d'objets de collection du genre. Je suis tout à fait d'accord avec Yanda sur l'ensemble du truc. Mais pas avec moi. Merci Chris. Putain. De toute façon, on a dit qu'il y avait des clans dans cette émission, donc c'est foutu, c'est fait. Voilà. À vous de les retrouver. N'hésitez pas à mentionner les clans en commentaire de ce podcast. Faites des pronostics. Voilà, faites des pronostics. En fait, le truc, je comprends tout à fait la démarche de Urban d'aller essayer justement d'aller toucher effectivement des collectionneurs de BD qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de comics. Et ça, je pense que ça peut se comprendre. Ça explique aussi en partie le tirage à 1500 exemplaires, qui est en fait assez important pour du comics, parce que bah il y a en fait 1500 exemplaires pour pas mal d'éditeurs, c'est déjà un bouquin qui se vend bien. Donc après Urban vend beaucoup de Batman et tout, donc forcément pour Batman 1500 c'est pas énorme, mais c'est quand même assez conséquent. Sauf que pour un collectionneur de BD, bah 1500 exemplaires, si t'es habitué à collectionner, je sais pas, les tirages de tête d'Astérix, je pense que 1500 exemplaires, ça te paraît peu. Donc du coup, ça fonctionne en termes, enfin d'un point de vue, je pense commercial, tu vois, sur le public visé. Pour les titres choisis, alors là, je suis d'accord sur le côté des dessinateurs. Maintenant, par exemple, il y a quelques incohérences, comme le fait de sortir la suite de White Knight, alors qu'il y aura pas le premier tome pour l'instant, en tout cas dans cette collection-là. J'avoue que le Doomsday Clock, il pourrait me faire de l'œil. Après 70 balles, ça calme. Et j'aime bien les beaux livres, mais il y a quand même un moment où tu te dis bon, est-ce que t'as plus envie de le lire le livre ou il va être tellement beau que tu vas pas oser le toucher, tu vois. Il y a un peu ce côté là qui intervient aussi. Mais tu vois, ce prix, c'est le prix des collections des Marvel Absolute chez Panini. En fait, c'était déjà des éditions plus grandes avec un fourreau, et c'était 75 balles le volume, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible. En tout cas, oui, en tout cas, c'est les prix des omnibus, par exemple. Enfin, les omnibus chez Panini sont généralement autour de 70-80 balles dans ces eaux-là, je crois. Je crois que c'est 66 euros le prix public conseillé. Ah ouais, je sais pas du tout, ouais, franchement, j'en ai acheté, je crois que le seul que j'ai, c'est le... Valentin! Fact-check-moi le prix des omnibus, Valentin! Merci, parce que j'y étais pas du tout, là. Je dors un peu sur place, excusez-moi. Et le seul omnibus, par contre, tu prends pas sur eBay, le prix. Parce que ça sera pas représentatif. Non, pas, je pense. Non, le seul omnibus que j'ai, c'est l'ère d'Apocalypse, et pour être très franc, je ne me souviens plus du tout du prix auquel je l'ai payé. D'ailleurs, Urban a un gros avantage, c'est d'être Urban, parce que si Panini faisait la même chose, ça aurait été un torrent de merde incroyable, et comme c'est Urban, tout le monde modère vachement son avis en mode non, mais bon, c'est quand même une belle collection. Alors, j'ai une news qui date du 25 mars, publiée par Comics Blog. Trois nouveaux prix seront appliqués pour les omnibus de Panini en fonction de leur pagination. 500 pages pour 50 euros, 500 à 700 pages pour 60 et 70 euros pour les plus grands dépassant les 700 pages. Voilà. Merci. Donc, tu vois, t'as 70 euros pour des omnibus de 700 pages. Par contre, avec le format normal, quoi. Le format oui, c'est un format d'omnibus classique, quoi. C'est plutôt, je vais pas dire que c'est un format économique, mais c'est un format cartonné standard à 700 pages, quoi. Donc non, il y a des trucs. Après, l'idée est pas mauvaise. Après, effectivement, moi, je me sens pas comme faisant partie du public visé. Et là, je suis d'accord qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait que ça vise un public très particulier. Donc voilà, moi, je me sens pas trop concerné par cette collection-là. Et à part Doomsday Clock, Last Night of Honors, je l'ai lu en hardcover normal. C'est pas désagréable, même si je pense pas que ça soit un titre aussi marquant que ça. Alors bon, après voilà, il y a effectivement le côté Capullo graphiquement qui est plutôt sympa. Le seul qui moi me fait de l'œil, ce que je disais, c'est le Doomsday Clock, et voilà, ça serait éventuellement un petit craquage, mais je garantis rien parce que ouais, je me sens pas spécialement concerné par ça, enfin visé par cette collection là. Et je pense qu'effectivement, en fait, l'erreur, c'est qu'il y a plein de gens qui commencent à dire ah moi, enfin à donner leur avis, alors qu'en fait c'est pas du tout le public visé. Ça va clairement viser, ouais, des vrais collectionneurs d'objets plus que des lecteurs de BD, quoi. Enfin, c'est donc ouais, je sais pas. Enfin voilà, c'était mon avis sur la question, alors qu'en fait ça, je suis pas concerné comme ces gens-là. L'autre truc, c'est que ça fait probablement rentrer du cash dans Urban. Urban, c'est pas une boîte qui est toute seule, elle fait partie d'un groupe, ça possède Dargo par exemple, ça possède d'autres éditeurs, et c'est des licences sur lesquelles il va a priori pas y avoir de problème d'argent. Enfin, Curse of the White Knight de Murphy, ça va se vendre, il y a pas de problème. Doomsday Clock, c'est attendu, ça va se vendre aussi. Ça va pas faire partie des titres qui vont perdre de l'argent chez Urban, et donc c'est pas inintéressant, puisque c'est des licences qui potentiellement, je m'avance un peu, mais potentiellement sont déjà amorties. C'est pas inintéressant d'en faire un objet de collection un peu plus cher pour refaire rentrer aussi de la trésor, du cash flow dans la boîte, quoi. Hein, c'est cette logique un peu. Ouais, d'autant que je pense que les éditeurs. Alors, je parle sans vraiment savoir. Mais ah, mais non, mais là ce soir on parle et on ne sait pas de quoi on parle. C'est, ouais, voilà, bon, on est au doigt mouillé, la petite. Mais c'est ça le YouTube Game, non ? N'oublie pas que je suis YouTuber, hein, je suis fidèle à ma réputation. Le truc qu'il y a, c'est je pense que les éditeurs sont dans une situation un peu compliquée, parce qu'on a quand même eu droit à un petit confinement pour ceux qui étaient là dans les épisodes précédents. Et il s'avère que ouais, je pense que ça a déjà mis un petit peu un marché qui est déjà fragile dans une situation encore plus complexe. Les comics en ce moment, je pense, n'ont pas autant le vent en poupe qu'il y a quelques mois ou années pour des tas de raisons, parce que on n'est plus avec les New 52, on n'est plus avec Marvel Now. Les films suite Covid sont décalés pour certains de 6 mois voire 1 an. Donc la grosse vague Marvel est passée aussi. Enfin, voilà aussi. Et donc on sait que dans les mois à venir, en fait, la BD de super-héros, parce que c'est quand même le secteur qui domine même chez nous, va pas forcément être super mise en avant via le cinéma, ni même via des grosses sorties, puisqu'il y a eu pas mal de décalages aussi. Donc, je pense qu'il faut innover un petit peu et chercher des idées et chercher des nouveautés à proposer à des publics qui, de base, ne se tournent pas vers le comics. Donc, c'est sûr que pour ceux qui pleurent la disparition des kiosques, bon, c'est pas eux qui sont visés, même si les kiosques reviennent chez Urban. Alors, je sais plus, j'ai vu passer une news Il semblerait. Est-ce que tu pourras nous en parler un peu après, parce que je ne retrouve plus la news et j'aimerais bien en savoir plus. Yanda a peut-être plus d'infos que moi, parce que moi j'ai juste lu le titre, hein, comme tout bon internaute, ouais, voilà. J'ai lu le titre. Après j'ai mis un commentaire, ouais, je suis pas d'accord avec le titre. Puis après j'ai pas eu l'article. Rendez-nous nos kiosques. C'est sûr que c'est pas le public qui veut du comics cheap et tout. Maintenant cet été il y a eu pas mal d'offres assez sympas. Tu vois, je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour. Je me disais, enfin, le mec qui a un budget de 50 ou 100 balles pour acheter des BD l'été, entre l'offre Urban, l'offre Panini et les 48 heures BD, les trucs comme ça, pour 100 balles, tu te fais largement un an de lecture en achetant toutes ces collections-là au complet. Donc il y avait vraiment moyen d'avoir des BD pour pas cher cet été. Et du coup, effectivement, c'est pas du tout le mec qui a acheté la collection à 4,90, c'est peut-être pas le gars qui collectionne les bouquins à 70 balles dans sa bibliothèque. Et il en faut pour tout le monde. Donc perso, la collection à 4,90, moi j'ai acheté certains volumes qui me paraissent être des points d'entrée intéressants pour le monde des comics. J'en ai acheté en plusieurs exemplaires et du coup je les garde, et ça permet, quand t'as quelqu'un sous la main qui est un peu de spéculer sur Vinted. Mais oui, bien sûr, c'est mon genre en plus. Mais non, mais ça permet, quand t'as quelqu'un qui n'a pas encore franchi le cap des comics, de lui dire, écoute, je te donne ça, tu vois, je te donne le Batman Silence, je te donne le comment ça s'appelle, le Harley Quinn, complètement marteau, ouais. Ça te permettra de rentrer dans le monde des comics, tu vois, c'est super cool. Et voilà, c'est un petit cadeau. Alors on s'y retrouve tous, parce que lui, bon, il a sa première lecture comics. Moi, ça m'a coûté 5€. Je pense que tout le monde est content. Et puis, mais je vais creuser cette histoire de Vinted. Là, j'y avais pas pensé. Ça m'intéresse finalement. Des kiosques. Le retour. Oui. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ? Ah, moi, j'ai entendu 10 balles tous les deux mois. Batman et récits complets. C'était les bimestriels qui reviennent, c'est ça ? Moi, c'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, c'est ça. Mais ils reviennent pas sous forme de kiosque. Ils reviennent. Puisque ils ne sont pas contents. Parce que moi j'ai tous les kiosques Urban depuis le tout début qui font des kiosques, et donc si je peux continuer à tous les avoir, il faut que je sache quoi acheter, quoi. Quel complétiste vous faites, Valentin. Ah, t'as vu un peu. Mais oui, c'est le bimestriel qui revient, et par contre il revient. Mais sous quelle forme, ouais, c'est ça. Alors a priori, de ce que j'en ai vu, c'est la même forme que le dernier format kiosque à être sorti. D'accord. Ok. Même contenu aussi. Ok. Et par contre, il serait distribué en fait par le réseau de librairies, donc il ne serait trouvable. Qu'en librairie, d'accord, ouais. C'est juste ça qui change en fait. Exactement. Comme les kiosques Panini finalement, quoi. Et dans les relais des gares ? Comment ? Dans les relais des gares ? Non. Oh. Tiens, dans ta librairie, mon grand. Mais non, mais mon libraire, après, il me parle, ça dure longtemps. Et du coup, il me vend des choses que je pensais pas acheter. Il veut interagir socialement avec moi. Mais quoi que, sans trop m'avancer, dans les grandes gares, les relais ont généralement un côté librairie. Donc peut-être qu'ils peuvent aussi avoir ça, peut-être qu'ils ne l'ont plus parce qu'ils vendent du Musso. Mais non, mais ils vendent aussi de la BD, tu vois, ils vont vendre le dernier Astérix, le dernier, etc. Donc peut-être qu'ils peuvent aussi avoir ces nouveaux formats kiosques finalement. Après, possible que les ventes de toute façon ne les intéressent pas parce qu'ils voilà, ça s'écoule pas assez bien. Mais je pense qu'il y a dans les relais, ça les empêche pas d'avoir ça en fait. De toute façon, autant rassurer notre communauté podcastique tout de suite. Si vous n'avez pas de librairie proche de chez vous, vous pourrez trouver votre kiosque Batman en passant par les liens affiliés de ce podcast. Ah, enfin, que vous au bout de 30 minutes d'émission. Dans la description. Oui, mais tu sais, il faut savoir placer ce genre de choses. Tu vois, c'est la bonne publicité, ça se place avec souplesse. Avec timing, exactement. Exactement. Et tout oui, est dans le timing. Une vraie bonne publicité, c'est quand c'est un lien affilié, mais que tu dis pas aux gens que c'est un lien affilié. Et que tu peux dire merci, merci de me permettre de parler de ça. Merci. Non, du coup, tu peux en plus monétiser ton contenu. Non, c'est pas bien. L'affiliation, là, franchement, enfin, bon, après, on rentre dans un autre débat, du coup, on glisse, mais, on glisse très vite. La bonne publicité, c'est quand tu le dis. Que ça soit de l'affiliation ou pas. En parlant d'affiliation, je veux juste petit teasing pour la fin de l'émission, surtout ne zappez pas, on va faire nos retours d'expérience sur Brave dont on a déjà parlé dans un épisode précédent et on va vous parler de est-ce que mon expérience avec eux, qui est une solution qui permet d'avoir un téléphone Android sans Google à l'intérieur et donc qui te respecte ta vie privée. Donc on va reparler de tout ça. Mais qui te respecte pas toi. Et qui me respecte pas moi. Ouais. Et du coup on va parler de ça, ce sera tout à l'heure. Mais alors attendez, le lien d'affiliation là, moi ça m'intéresse. Pourquoi tu dis que ça c'est pas bien là, je comprends pas. Alors non, moi je dis pas que c'est pas bien. L'affiliation c'est un procédé qui a été mis en place. Alors je sais pas qui l'a mis en place en premier d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est John Ranbaffin. Dans le Connecticut. Mais du coup, non, l'affiliation en elle-même, c'est une très bonne chose. Ce que je n'apprécie pas, moi, en tant que utilisateur des internets et comment dire. Quand il parle comme ça, tu sais que ça va devenir salé. Quand il commence à faire. Tu sais que ça va mal partir, ça va finir. Je cherche les mots. Mais en tant que consommateur de contenu, quel qu'il soit, ce que j'aime pas, en fait, c'est qu'on me prenne pour un con et que. et qu'on m'envoie un contenu quel qu'il soit ou une référence quelle qu'elle soit en me disant hey, regarde c'est vachement bien et qu'il y a une notion de publicité derrière qui pour moi en tant que consommateur entre guillemets est complètement masquée. Ça m'agace, la publicité masquée ça me saoule hors internet mais d'autant plus sur internet. Je préfère avoir quelqu'un franc du collier qui va m'expliquer clairement le truc. Voilà, alors notamment par l'affiliation, quelqu'un qui va me dire, ben voilà, ça c'est un lien d'affilié, si le produit ou le bouquin ou peu importe ce dont je viens de te parler, ça te plaît, ben si t'as envie de l'acheter et au passage de me permettre moi de récupérer un petit quelque chose, ben passe par ce lien d'affiliation. Parce que c'est de l'affiliation et que c'est le principe même de l'affiliation. L'affiliation, si jamais vous n'avez pas suivi les épisodes précédents pour vous faire un petit topo extrêmement rapide, c'est un système qui vous permet, vous, en tant que consommateur, en passant par un lien bien précis, de permettre à la personne qui vous a donné ce lien de récupérer une commission sur l'achat que vous faites. Sans... Ah, c'est comme quand je dis à Valentin de s'abonner à ma banque et que ça nous rapporte de l'argent à Valentin et à moi. Exactement. Sans que pour vous, ça ne change le prix payé final, vous payez exactement le même prix que le prix que vaut l'article. Ça ne bouge pas pour le consommateur final. Par contre, la personne, l'affilié, comme on dit, récupère une commission plus ou moins importante en fonction de son contrat d'affiliation et de sa négociation, une commission sur cet achat-là. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous achetez en fait c'est une façon de remercier entre guillemets la personne qui vous aurait indirectement vendu cet article-là parce qu'il vous en a fait tout un tas d'éloges et que vous avez trouvé ça absolument génial. Du coup, ça permet de reverser une petite commission à cette personne qui indirectement ou sans le vouloir en mettant d'énormes guillemets parce que ça j'y crois pas trop vous a vendu cet article là. Voilà, c'est une rétribution honnête et je préfère le savoir moi parce que ça me dérange pas plutôt que de le réaliser en voyant dans l'adresse du lien sur lequel j'ai cliqué parce que ça se voit l'affiliation bien évidemment et de me rendre compte que j'ai suivi un lien d'affiliation mais je le savais pas, c'est pas cool. Disons qu'il y a des cumulards, il y a des gens qui reçoivent des contenus en service de presse, donc offerts par les éditeurs, qui vont t'en faire la promo, donc avec du lien affilié, donc ils vont retoucher un peu sur les ventes, qui vont te placer une OPSP, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent avec Punky, donc une OPSP c'est quand ça te parle d'un partenaire commercial par exemple en début de vidéo, et qui en plus, bon bah allez, on est sur YouTube, on rigole, vont monétiser leur vidéo, et donc tu te tapes une pub au lancement du contenu quoi. Là bah t'as des cumulards et ça c'est caca. Et sans que toi tu en sois informé quoi. Ouais, j'allais dire, voilà, le cumul, s'il est autorisé... Alors, sur YouTube, moi, j'ai remarqué ça maintenant chez pas mal de vidéastes, pas spécifiquement aux comics ou quoi que ce soit, mais maintenant, chez les vidéastes, j'ai remarqué qu'avant, on n'avait pas le droit, en fait, si on déclarait une communication commerciale dans notre vidéo sur YouTube, on ne pouvait pas, en plus de ça, placer de la publicité sur YouTube. Et j'ai vu des gens maintenant qui le faisaient. Et donc, pourtant, ils déclarent bien qu'il y a un placement, une communication commerciale. Donc, je ne sais pas si YouTube l'autorise maintenant. Moi, à titre personnel, je veux pas cumuler les deux. Je trouve que ça fait beaucoup. Les gens se tapent donc une intro, tu vois, sponsorisée. Par-dessus, tu rajoutes de la pub. Ça commence à faire beaucoup de pub dans une vidéo qui fait 5 ou 10 minutes, quoi. Qui fait 10 minutes et 10 secondes. Sinon, on peut pas mettre de pub au milieu. Non, maintenant, c'est 8 minutes. Enfin, ça va passer à 8 minutes. Donc, le 8 minutes 01, c'est le nouveau 10 minutes 01. Du coup, tu vas faire des vidéos plus courtes? Non, je continue à faire des trucs beaucoup trop longs. D'ailleurs, j'ai passé la journée à monter la prochaine et j'en ai plein le cul. Je sais plus ce que je disais du coup. Il y a effectivement des gens qui cumulent tout ça. Si c'est autorisé par le système et que c'est bien expliqué et bien évident et que c'est pas caché, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'on te dise la vidéo est sponsorisée par tel annonceur et en plus j'ai mis des pubs. Les pubs, tu sais que c'est des pubs YouTube. Moi j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me dérange, c'est que on vienne te passer les choses un petit peu de façon détournée, qu'on ne te mette pas le fameux « cette vidéo contient une communication commerciale » et puis qu'effectivement tu découvres en cliquant sur le lien de la sympathique boutique par exemple qui a sponsorisé ta vidéo, que c'est un lien affilié, tu vois. Et ça je trouve ça extrêmement malhonnête, d'autant plus quand par exemple tu te vantes d'être super honnête, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. imagine ton discours à longueur d'année, c'est que t'es méga honnête, et imagine en fait t'es méga malhonnête, et en plus t'es tellement malhonnête que tu dis pas aux gens que t'es malhonnête. Ce qui moi me fait grincer des dents à titre tout à fait personnel et qui a tendance à effectivement mérisser légèrement le poil, c'est là où j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un con mais jusqu'au bout, c'est quand effectivement non pas tu fais du cumul mais tu fais l'extrême opposé, c'est-à-dire que tu fais de ton fer de lance, puisque globalement, alors que ce soit pour YouTube ou même dans un sens plus large, les gens n'aiment pas la publicité en tant que telle, a une aura négative pour tout un tas de raisons. On peut se le dire. Quand t'as l'écran de publicité, que t'es arrêté au feu rouge, et puis qu'il y a des petites pubs qui défilent là, sur les nouveaux écrans LED, bah ça, quand même, ça distrait, quoi. C'est bien. Je suis désolé, voilà. La pub pour les hémorroïdes au début des années 90, c'était super drôle. Moi, j'aimais beaucoup avec le petit tabouret, voilà, qui faisait aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'était vraiment super. Nous sommes d'une génération différente. Encore que pour la nouvelle génération, c'est pas forcément la même chose, mais globalement... C'est aujourd'hui qu'on parle de poil à la pub, le disque de pub de Richard Gottener ou pas du tout? Globalement, les gens ont une mauvaise image de la publicité, parce que la publicité c'est mal, parce que ça veut te vendre des trucs. Et je trouve, au-delà de malhonnête, vraiment prendre les gens pour des cons, quand tu fais de ton fer de lance de communication auprès de ta communauté ou auprès de tous les gens, le fait que tu ne t'appuies pas sur la monétisation de ton contenu parce que tu ne veux pas imposer de la publicité aux gens parce que, etc., tu trouves que la publicité c'est mal, etc., etc., et que derrière, tu fais du placement déguisé ou de l'affiliation déguisée ou au final la publicité déguisée, c'est vraiment, pour moi, prendre les gens pour des cons et... Ou du public rédactionnel, il y a aussi du public rédactionnel. Ou du public rédactionnel, mais enfin voilà, il y a une vraie incohérence et qui... pour moi personnellement est dérangeante, dans le sens où tu montres patte blanche en disant regardez moi je ne fais pas ça, sauf qu'en fait si tu le fais, et en plus de ça tu fais sans le dire et même à l'inverse en disant que tu ne le fais pas, et ça c'est vraiment alors que mettons-nous bien d'accord, il n'y a aucun problème en tout cas pour moi à gagner de l'argent en produisant du contenu. Mais bien sûr, c'est-à-dire bien que sûr. Que tu sois, je sais pas, que tu écrives pour un site, que tu fasses de la vidéo, que tu fasses de peu importe, que tu produis. Si tu en retires un gain financier, en fait, c'est juste que parce que c'est du boulot. Et donc, t'as pas moins de mérite à avoir écrit un article ou avoir écrit une vidéo, avoir produit du contenu, qu'à avoir, je sais pas, moi, fabriqué un objet dans une usine. Enfin, tu vois, y a pas de différence. Donc, C'est effectivement parce que le public, on a une très mauvaise image que certains, je pense, essayent de camoufler ça. On est d'accord, juste parce que c'est pas très subtil, autant crever l'abcès. On parle de Swan et Neo, là, on est d'accord. Oui, tout à fait, les fameux Swan et Neo. Ok. J'ai cette image de cette. Bon, bref, de cette adolescent en érection. Extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant, j'ai dit, mais enfin, pauvre garçon, quelle horreur, on en parlera plus tard, mais. Et donc, tu vois, c'est. Encore une fois, j'ai aucun souci avec les gens qui gagnent de l'argent, enfin, encore, gagner de l'argent, faut quand même remettre ça en place aussi sur Internet. Dans la majeure partie des cas, les sommes sont pas énormes. On va pas parler de Sardoche qui gagne 100 000 euros avec à Shadow Legends, mais je veux dire, pour des tas de micro-influenceurs, ça se compte en dizaines, au mieux en centaines d'euros, mais il n'y a pas beaucoup de sommes qui font plus de trois chiffres, donc c'est pas des, y a pas de quoi dire, oh, quelle honte, il se remplit les poches sur notre dos, enfin voilà, c'est, t'as à peine de quoi vivoter, tu quand vois. Quand tu fais de l'affiliation en plus de la création de contenu, tu peux vivre de l'affiliation, il y a plein de gens qui en vivent, de l'affiliation, parce que c'est un vrai modèle économique, mais par contre, c'est quelque chose que tu fais à temps plein, c'est-à-dire que tu fais pas ça en plus de création de contenu, quelle qu'elle soit. Ouais. C'est vraiment, tu vas monter des site avec des liens d'affiliation, etc. Bon, derrière, il y a toute une mécanique et tout un travail, là aussi. Mais non, effectivement, associé à de la création de contenu, c'est plus une façon de compléter un peu les sources de revenus possibles que de viser à en vivre pleinement, quoi. C'est vrai qu'après, c'est très mal perçu du public. On l'a vu, on peut citer Marvel, voilà. Enfin, c'est un gars, moi, dont j'aime bien le contenu. Et enfin, c'est un pote depuis des années maintenant. Tu vois, on fait de la vidéo ensemble depuis des années. Et dès qu'il a eu le malheur de dire qu'il bossait avec tel ou tel truc et que ça lui faisait gagner de l'argent, il s'est fait défoncer. Alors que, en fait, il y a aucune honte à ça. Et c'était du travail. C'était un travail déclaré. Tu vois, c'est pas du black. En plus, faut quand même le savoir. Tu le déclares, tu payes des impôts, tu payes des charges, etc. Et à l'inverse, tu as des gens qui font la même chose, qui le cachent. Et à qui personne ne dira jamais rien, alors que pour le coup, c'est totalement malhonnête. Et donc, en fait, l'honnêteté n'est pas du tout, je dirais même pas récompensée, mais n'est même pas saluée, alors que moi, je préfère un mec transparent qui me dit « Ok, les gars, je vous parle de ça, mais c'est parce que je suis payé, donc ça sera peut-être pas un avis 100% objectif, parce que forcément, bah, je suis payé pour en dire... t'es rarement payé pour dire qu'un truc, c'est de la merde, tu vois. Mais je préfère un truc totalement clair que quelqu'un qui me l'a fait à l'envers et qui me dit « Non, je vous parle de ça parce que ça m'a plu. » Et en fait, derrière, quand tu cliques sur le lien, tu te rends compte que si ça lui plaît, c'est parce que ça lui ramène un pourcentage sur les ventes, quoi. Voilà. C'est ce qui est arrivé aussi à Wolf. À l'époque, on était dans le collectif lescomics.fr. Wolf qui avait commencé à faire des vidéos qui s'appelaient Star Wars Comics, parce qu'en fait, il avait négocié avec la collection Comics, c'était quoi, Altaïa peut-être ou Hachette peut-être. Ouais, un des deux. Bref, il recevait tous les 15 jours son comics Star Wars, et donc bah, il chroniquait le comics Star Wars, et il en avait fait une vidéo mise en scène et tout, et il avait le malheur de dire cette vidéo est en partenariat avec l'éditeur. En plus, c'était même pas rémunéré, c'est juste il recevait les services presse, et donc le mec a dit bah écoute, moi je reçois les bouquins, donc je le dis au début de la vidéo, quoi. Et c'est pareil, enfin il s'était fait défoncer, quoi, juste pour dire, alors que beaucoup d'influenceurs, de gens que vous suivez, reçoivent des services presse des éditeurs, et même des gens chelous, il y a des partenariats, tu comprends pas pourquoi il tombe à cet endroit-là. Après, c'est très bien hein, que tout le monde puisse croquer et tout, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une petite part du gâteau. Et oui, bah, il faut le dire, quoi. Ça coûte rien. Bah, surtout si tu en génères du revenu derrière. C'est ça qui est dérangeant. À la rigueur, tu dirais rien, ce serait pas grave, quoi. Mais si tu dis je ne le fais pas et qu'en fait tu le fais. Oui, là, ça c'est pire. Ça c'est un truc. Voilà, ça c'est vraiment être sale jusqu'au bout des ongles. Mais ouais, non, ouais. Voilà. Bon, c'est là qu'on balance les noms ou on change de sujet? Les noms sont connus. Les vrais savent. Hashtag les vrais savent. Et du coup, ça met la pression quand tu dis ça. Oh, putain, est-ce qu'il parle de moi? Tu crois qu'il parle de moi? Oh merde, putain, il parle de moi. Putain. Mais ce serait pas mal, parce que si on pouvait se faire un petit clash tranquillement sur Twitter, on pourrait peut-être franchir en visibilité. Oui. Bah oui, tout une à fait, vraie oui. Stratégie de communication, puisque un bad buzz reste du buzz avant tout, et donc de la visibilité. Alors, ce qu'on fait, tu vois, on se fâche avec des gens, et quand ils viennent pour nous dire qu'on est con, qu'on a tort ou tout ça, on supprime leurs commentaires et on les bloque. Ouais. Et comme ça, après, on peut dire à notre communauté, ouais, vous voyez, les gens, ils sont pas gentils avec moi. Et puis, et comme j'ai pas d'arguments pour me défendre, comme j'ai bloqué les gens qui pourraient avoir des contre-arguments contre moi, et ben, je suis tranquille. Et ça me permet de renforcer mon lien avec ma fanbase un peu, tu vois. C'est une bonne idée, non? On pourrait faire ça. C'est une bonne stratégie de communication, effectivement. Heureusement que je l'ai inventé et que ça existe pas sur Twitter. Encore un petit peu de sel dans ton rhum, Matt, ou tu... Non, on doit rigoler après. On doit rigoler, on doit faire de la rigolade. Moi, je citerai Bruce de Y Penser. J'avais fait un salon en Belgique. On était rentré en train. Quand tu dis j'avais fait un salon, c'est-à-dire complet avec une commode, oui, un canapé, une table basse, canapé acheté chez Yanda d'ailleurs. Ouais. Et donc, on avait discuté un peu je sais plus qui avait parlé entre autres du fait par exemple d'être invité chez Hanouna. Il y avait des youtubeurs à l'époque qui avaient été invités chez Hanouna et lui avait dit qu'il avait aucun remords éventuellement à y aller s'il était invité parce que c'est peut-être de la mauvaise pub dans le sens où on dit oh il a été chez Hanouna, mais en fait de la mauvaise pub c'est de la pub, et vu le public de Cyril Hanouna t'as pas de remords à te faire de la pub par un mec comme ça, tout comme d'ailleurs j'en parlais aussi il y a quelques temps, quand on reproche aux gens de prendre de l'argent pour parler de tel, on avait l'exemple de Red Shadow Legends. Alors je sais qu'il y en a qui diront que c'est un mauvais jeu etc, mais c'est après voilà, d'un point de vue qualitatif tu peux toujours rediscuter les choses, mais en fait moi je crois qu'il y a pas de mal à prendre l'argent là où il est pour le transformer en quelque chose de mieux, parce qu'en fait sinon tu laisses un système fermé où il y a que les gens qui n'ont pas de race qui prennent le pognon, donc ils continuent à faire des trucs de mecs qui n'ont pas de race avec le pognon qui circule, et puis les mecs qui ont une éthique ils touchent jamais au pognon, et au final le pognon il sert qu'à faire des trucs de merde. Donc si à un moment toi t'as un minimum d'éthique et l'envie de produire un contenu un peu plus travaillé et un peu plus spécifique, et que t'as l'occasion de prendre le pognon là où il est pour le faire, fais-le quoi. Fais-le, prends l'argent à ceux qui sont prêts à te le donner et transforme-le en quelque chose de mieux, parce que c'est une façon de court-circuiter aussi un petit peu le système. Donc Red Shadow Legends, Chris, attends ton argent. Oui, non mais c'est en négociation, mais bon, faut quand même pas déconner, attends, je veux dire, les mecs, ça va quoi. Non mais c'est bien, il faut prendre l'argent, t'as raison. Je suis trop cher pour eux, je pense. On le verra dans quelques temps, en fait. Écoute, la première vidéo sur la chaîne de Comics Rise très bientôt. C'est ça, N'hésitez pas à venir me bâcher quand ça sera fait. Ce sera au moment de la publication de cet épisode du podcast. Donc, à mon avis, ça sera au moment du reconfinement. C'est ça, c'est la publication du podcast, on est d'accord. On parle de la même date, visiblement. Ça arrive très, très, très vite. D'ailleurs, pour parler du confinement, deux minutes, nous, on est un peu réac avec ça. On est très... portez vos masques, les amis, parce que vous nous faites peur, en fait. Après, vous allez tous être malades et vous allez bloquer chez vous. C'est triste d'être réac, de dire portez vos masques et d'être réac. Mais non, mais enfin, c'est triste. À partir du moment où t'es dans les consignes de l'État, tu vois, il y a un côté. Ouais, mais je comprends, je suis d'accord avec toi, mais. Moi, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont un visage assez disgracieux, donc éventuellement, s'ils pouvaient le cacher. Ah oui, les gens sont laids. Oh. Je veux dire, moi, ça me, voilà, franchement, oui, masquer votre visage. Enfin, je veux dire, ça me fait des hauts le cœur. Moi, c'est quand je porte mon masque que ça me fait des hauts le cœur, parce qu'en fait, je sens mon haleine. Oui, c'est pour ça. Il faut mettre de l'huile essentielle à l'intérieur de ta petite huile essentielle d'eucalyptus ou de menthe. Tu vois, ça peut te dégager les bronches et tout. Non, mais sérieux. Mais mettez vos masques. On a tous nos petits masques nous ce soir d'ailleurs. On est très beaux. Hein. Non, parce que moi je mets, parce qu'avec le masque on peut pas respirer, d'accord. Et respirer c'est naturel. Donc voilà. Si Dieu a voulu que je respire, c'est pas pour mettre un masque. Voilà quoi. C'est bon. Hein. Moi j'ai compris. Je sais. Hein. C'est bon quoi. Le gouvernement qui veut tous les gens masqués pour pouvoir nous diriger à la baguette. Merci sans moi quoi. Moi je suis un rebel, ok. Est-ce qu'on peut parler des gens qui respirent par le menton, qui portent le masque sur le menton? Alors en fait moi quand je vois tout comment les gens portent leur masque, tout c'est fort. Ouais. Ces gens-là tous, mais fort en plus. Quand je vois les gens qui portent leur masque comme ça, je comprends mieux pourquoi il y a autant d'enfants qui sont conçus avec des préservatifs. Je me dis, c'est obligé que, voilà, je veux dire, s'ils sont pas foutus de lire une notice d'un truc aussi simple, c'est sûr que oui, il y a un moment, ça doit pas marcher. On mérite cette extinction de masse, sachez-le. Hein, je pense que là... Ça, c'est une certitude. Moi, je me souviendrai toujours de ce moment où un mec me demande l'heure. Donc, il porte son masque. C'est le 27 l'heure. Je lui réponds et lui il n'entend pas, alors il me dit excusez-moi j'entends pas, et juste après il baisse son masque. Mais mec, c'est pas parce que t'as un masque sur la bouche que tu n'entends pas, donc calme-toi deux minutes mon gars, réfléchis un peu avant de faire des conneries. Donc c'était assez étrange comme moment. Le mec a une oreille à la place de la bouche apparemment. Bref. Non mais tu peux pas te moquer des malformations, je pense qu'il faut accepter tout le monde, il faut accepter l'humain tel qu'il est, avec ses différences et puis avec ses convictions. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Quel démago, putain. Cette serveuse aussi, je crois que je l'ai raconté en off, mais ça mérite d'être raconté en podcast. Cette serveuse au resto qui arrive et donc elle porte le masque et au moment d'annoncer les plats, retire son masque du coup avec les assiettes sous elle, du coup, et qui dit « Alors, l'entrecôte frites, c'est pour qui ?» D'accord. Elle, bon, met, bah... elle suce son doigt qu'elle plante dans la purée pour dire « Ah, c'est bien, là, c'est chaud c'est encore !» Qui a pris une purée de panais. ouais bon bref voilà, j'ai toujours pas eu de symptômes donc ça a l'air bon mais bon parce que c'était pour toi l'assiette au final. Oui y en avait une qui était pour moi ouais. Enfin assaisonné au postillon de serveuse. Ce sont nos meilleures assiettes. Yummy. On n'a pas de quiz hein, c'est ça, c'est ça qu'on a dit. Non, pas là, ok. Non. Même pas un truc comme ça sous le coude. Je peux si ça vous intéresse, j'ai ramené des caisses de merde de chez mes parents. j'ai eu l'image d'un mec qui amène vraiment des caisses. Bah, ils ont vidé leur fosse sceptique en fait, donc du coup j'ai dit voilà. Non, des vieux trucs qui datent d'il y a plus de 20 ans. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, donc je peux regarder ça en exclusivité, mais je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. Mais comme Matt a l'air d'être en galère. Sinon, fais-nous un top 10. Dis-nous, sors-nous une carte de top 10 et donne-nous un numéro et on te répond. Mais ça, je peux, mais après, il y a Chris, il va gueuler. Ouais, non, mais ça va. Non, mais par contre, faut pas qu'on sache quel numéro à chacun aussi, non? Mais si, là, on n'a pas ça, le choix. Tu sais que j'ai réfléchi à une version en ligne pour qu'on y joue ensemble tous les quatre, mais j'ai pas trouvé parce qu'il faudrait que je vous file un. Bon, bref. Allez, une au hasard. Non, mais tu le fais genre, c'est quoi, Yanda, ouais, un concert à 7 sur 10 pour toi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, du coup, je vais prendre une carte. Yanda désigné victime du jeu. Ouais, c'est ça. merde. Ça passe à la télé de la plus petite audience à la plus grande audience. Pour Matt, on va dire un 8, ce serait quoi? Du coup, une grande audience? Anouna. Ouais. Bon Anouna. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement 9 et 10, donc de plus grandes audiences derrière. Quoi. Ah bah il y a forcément des trucs qu'il faut... J'espère qu'il y a des trucs qu'il faut plus d'audience qu'Anouna. J'espère aussi. Il y a Macron qui parle du coronavirus en top. Ah voilà, bah voilà, ce serait un 9 ou un 10. Ouais, c'est vrai, et en 10, c'est la finale de la Coupe du Monde avec la France qui joue. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Mais qui gagne ce jour-là ou pas? Évidemment, l'étoile sur le maillot. Ramener la coupe à la maison. En 1, ce serait une émission sur les comics sur Arte à 3h. sur Charlie 25. Arte, il y a quand même une bonne audience, toi, malgré oui, tout. C'est vrai, je suis mauvaise si en vue. Si tu vas chercher les sales chaînes du fin fond de la TNT. Truc obscur, ouais. Si t'arrives au bout de la TNT, vraiment, t'es puni, t'as ta chaîne locale. Ça, c'est le 33. Et là, c'est chaud. 1-2-3 musettes. T'as 1-2-3 musettes sur ta chaîne locale. Et alors là, c'est chaud. Même des fois, il y a Matt dedans. Enfin, c'est un scandale. Je suis tombé sur une chaîne où ils diffusent que des plans de ville avec un son de ville en fond. Je trouve ça hyper angoissant en fait. Vraiment c'est vraiment genre dans la campagne profonde. T'as jamais vu la ville. C'est pas une webcam, je pense que c'est des stock footage puisqu'il y a des fondus au bout d'un moment, toutes les deux minutes, t'as un fondu sur une autre ville et ça bouge dans le sens où tu vois l'eau qui bouge et tout ça, mais sinon ça reste assez fixe et t'as un gros son de ville en fond. Et vraiment, je trouve ça hyper angoissant. Je me dis, c'est peut-être pour ceux qui vont en vacances à la campagne et qui en fait c'est ne peuvent pas. Les Parisiens en vacances. Voilà, c'est ça, les Parisiens en vacances. Et non, je veux mon bruit de ville dégueulasse. Et c'est sur ta box? C'est sur. Pareil, c'était chez mes parents, donc je sais pas sur quoi ils sont, j'ai pas fait gaffe. Le mec, il a un petit moteur de temps qu'il allume dans le salon pour avoir un peu de gaz carbonique, tu vois. Ça me manque. Voilà. Sinon, est-ce qu'on parlerait-il pas des comédies de notre enfance? Ah ouais, les sales comédies qu'on a poncées. Moi, je pense que ça pourrait être un bon sujet. Bah dis donc, ça tombe bien. Ça, c'est vraiment une idée qu'elle est bonne. Ah, ça, c'est vraiment une super idée. D'autant qu'on en a parlé, on a annoncé le sujet dans l'épisode précédent. Bah, ça aurait été dommage que les gens, n'aient pas... Écoutez-le, j'ai pas écouté l'épisode précédent, moi, j'ai pas trouvé le respect ça de la continuité, intérêt. C'est important. Bah, c'était celui avec Punky, il était bien, l'épisode précédent. Ouais, à quel numéro on reboot, d'ailleurs? Au 52. Ouais. Parfait, très bien. Du coup, oui, écoutez nos épisodes précédents, notamment le 10 avec Punky qui était vraiment bien. Et les autres sont pas mal non plus, donc bah, vous pouvez réécouter les autres. Vous mettez pause sur celui-là, vous écoutez les 10 épisodes et puis on revient pour vous parler des comédies qu'on a beaucoup poncées. En fait, on a plein de trucs un peu comédies honteuses qu'on a vraiment regardées, usées et tout ça. C'est l'époque des VHS, c'est l'époque où on n'a pas le choix, t'as pas Netflix, t'as pas Internet. Donc quand t'es bloqué à la campagne chez ton père qui fait autre chose et que tu te fais chier, bah les 2-3 cassettes vidéo qui te concernent, bah tu les regardes en fait. Qui te concerne. Tous les jours. Mais non, mais mon père, il enregistrait les Grands Prix de Formule 1, par exemple. Donc, si tu veux, à 11 ans, j'avais pas une passion débordante pour des prix de Formule 1 qui avaient eu lieu 4 ans plus tôt. En fait, c'est pas ce genre de cassette que je regardais. Tu t'intéresses vraiment à rien. Non. Il enregistrait 20 minutes de Formule 1 et après il mettait le boulard. Et donc, du coup, Matt regardait 10 minutes. Oh non, c'est chiant. Et puis, du coup, il allait jamais jusqu'au moment le plus intéressant. Je suis jamais tombé dessus, ouais. Est-ce que vous avez là tout de suite les gars à l'instant l'image de votre daron en train de se toucher sur un boulard ou pas? Non, pas du tout, mais maintenant j'ai pas envie d'y penser non plus. Parce que ouais, moi c'est pas bien non plus hein. Si vous avez l'image de votre père qui se touche sur de la Formule 1, là c'est encore plus. C'est qu'il y a vraiment un problème dans votre famille, faut consulter ensemble, faire une thérapie familiale. Il se touche dans une Formule 1 et ça c'est encore mieux. Alors ça oui, pour le coup, ça serait un peu plus normal quoi. Et moi le premier que j'ai vraiment vraiment retourné au point de connaître par cœur, c'était Le Père Noël est une ordure. Ah oui, ça c'est de la bonne comédie française hein. Et en fait il y a un côté fascinant avec ces films là. On va pas pitcher les films hein. A priori c'est bon. On va partir du principe que vous l'avez déjà vu en rediff. Mais en fait, il y a cette scène dans la pharmacie et je me souviens de m'être pris un fou rire quand le mec se remet le truc au chocolat dans la poche en disant mais qu'est-ce que c'est que cette matière, mais c'est de la merde. Alors que j'avais vu ce film déjà des dizaines de fois et que cette scène m'avait pas marqué. Et tu peux quand même te prendre des fous rires et des trucs sur un film que tu connais par cœur quoi. Pour le coup, je pense que je le connais vraiment par cœur. Je pense que le regarder avec moi. Or, just pas. C'est pas ouais. Le regarder sans moi, c'est pas fifou maintenant, puisqu'il a 30 ans, 40 ans. 40 ans, ce putain de film. Mais ouais, le regarder avec moi, je te fais les répliques derrière. Tu dois avoir un espèce de son surround pourri avec Matt qui te fait les répliques. Ouais, ça doit être pas bien du tout. Et puis après, on a changé. Après, on s'est modernisé. On a eu la cassette vidéo des Visiteurs. Eh oui, évidemment. C'était ouais, les Visiteurs, c'est un des films que j'ai le plus maté, ouais, gamin. Ça doit faire partie des premiers films que j'étais voir au ciné, déjà, parce que je devais avoir 4-5 ans quand c'est sorti, je pense. 1993. Et je l'ai maté un nombre de fois incalculable, et ça fait partie. Je suis vraiment pas branché comédie française, en vrai. Ça me passionne pas trop, les comédies françaises. Ça fait partie des rares comédies françaises que j'aime bien encore aujourd'hui, et que je peux regarder encore aujourd'hui, me marrer devant, et que, effectivement, je connais par cœur. Sinon, dans les... T'as appris à parler latin en plus toi avec les Visiteurs, non? J'ai appris à chanter, ouais, comme Hera. Ah, mais non. Je vous conseille l'excellente parodie de Ganesh 2, Amenlo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... Ah oui, je sais pas ce que vous avez avec ça, moi ça me fait pas marrer, quoi. Ah si, c'est du génie, putain. Ah si, c'est vraiment génial. Enfin bon, bref. Et on profite parce que pour une fois qu'il trouve un truc génial. Pardon. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, je disais que pour une fois que tu trouves un truc génial, faut en profiter. Donc, bah ouais, profitez-en. Mais personne n'aime du coup. Donc voilà. Ça doit être ça. Le génie incompris. Et dans les comédies françaises que j'ai poncé gamin, il y a La Soupe aux Choux. Et La Soupe aux Choux, ça me fait encore rire aujourd'hui, tu vois. Enfin, moi, je sais pas, les vieux de La Soupe aux Choux, c'était les vieux que je connaissais quand j'étais gamin, tu vois. Les vieux de la campagne, ils étaient comme ça quand j'étais petit. Et sinon, il y a Les Fantomas, les trois Fantomas. Ah! Qui sont des comédies d'action, mais qui sont vraiment excellents. Ils repassent d'ailleurs, j'en ai revu un il n'y a pas très longtemps à la télé, il y a 2-3 jours. Ouais, et je les ai revus notamment y a pas Fantomas très contre Scotland Yard, que j'adore tout particulièrement. Ouais. Ça me faisait beaucoup rire, et en plus, c'est vraiment des... Enfin, aujourd'hui, évidemment, ça vieillit techniquement. Et en plus, ça fait réfléchir. Ça fait pas vraiment réfléchir, mais ça rend des bons films. Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus drôle que ça. Je les ai revus pendant le confinement, donc il y a 2 mois. J'ai beaucoup moins ri que ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, il y avait 2-3 scènes d'action, enfin surtout dans le deuxième, Fantomas des chaînes, je crois. Ouais, c'est ça. Où t'as Jean Marais qui fait pas mal de cascades et de chorégraphies de combat qui sont pas désagréables à regarder. Mais bon, moi je suis un grand fan de Funès en fait, et je me souvenais pas qu'il était si peu présent et si Enfin, c'était pas si drôle que ça, en fait. Ouais, c'est vraiment du comic relief, en fait, là-dedans, de Funès. Mais ça reste quand même des comédies d'action, on va dire. Et moi, je suis assez client de ce genre-là. Après, mais c'est bien fait, c'est ouais. pas des comédies au sens où on l'entend, mais... Est-ce qu'on peut s'avouer des choses honteuses? Bah, c'est déjà trop tard, je crois. Oui, hein, je crois que épisode, là... Oui, de cette émission, même d'une manière générale. Oui, oui, c'est vrai. J'aime pas de Funès. Bah, t'as le droit. Il y a plein de gens qui aiment pas de Funès. Connard. Quoi? Tout le monde. Attends, je vais te bloquer sur Twitter. Non, mais fallait que je dise. C'est quoi? Il est trop exubérant, c'est ça? C'est comme un petit rototo, tu vois, ça fait du bien quand c'est sorti. Je me sens mieux là. Il est trop mimiqué. Il cabotine. Il cabotine. Ouais, j'ai l'impression de voir. J'ai l'impression qu'il fait le même personnage dans tous les films. Ah bah ça. Tu l'aimes pas, mais tu l'imites vachement bien. Non, j'ai fait le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie, exactement. C'est exactement ça. Mais oui, oui, enfin, j'ai l'impression de voir le même personnage dans tous les films, le même truc. Regardez-moi, et voilà, et ça m'agace et je trouve pas ça drôle et intéressant. Je pense que je le découvrirai maintenant. Je serais pas fan du tout, mais l'ayant découvert étant gamin, ça, et puis je me dis voilà que c'était à l'époque, que c'était il y a plus de 40 ans. Ça va du coup. Moi, j'aime vraiment beaucoup de Funès. Il me faisait vraiment rire quand j'étais petit, et donc c'est resté. Donc j'ai toujours une tendresse pour ce monsieur. Mais effectivement, je l'aurais découvert maintenant, j'aurais peut-être été un peu plus dubitatif quant à l'intérêt du monsieur. Après, moi, tu vois, je suis pas un inconditionnel. Je sais pas si j'ai vu tous les films. Je pense pas avoir vu tous les films de Funès. Il y a des sacrés films que j'ai vu une fois que j'ai jamais revu. Mais après, ouais, ça me fait rire par moment. Mais après, c'est un peu comme Christian Clavier dans Les Visiteurs, tu vois, genre Jacouille, ça peut te faire rire. Après, dans tous les films, Christian Clavier, il est pas franchement hilarant. Alors d'autant plus que t'avances dans le temps. Mais il y a des personnages avec lesquels ça marche et d'autres avec lesquels ça marche pas. Je trouve que dans Fantomas, par exemple, ça marche parce qu'effectivement, c'est le comic relief du film. Tu vois, c'est le personnage un peu rigolo, un peu loser. Christian Clavier qui fait Jacouille dans Fantomas. Non, j'ai décroché. Merde. Ah putain, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Bref, voilà. Enfin, je sais plus. Dans Fantomas, ça marche très bien, tu disais. Oui, voilà, ça marche parce que c'est pas tout tourne pas autour de ça. Après, quand le personnage central passe son temps effectivement à s'agiter dans tous les sens, à sauter partout et à faire gna gna gna, ça, bon voilà, ça aurait tendance à me saouler aussi un peu, mais. Pivert, comme un pivert. Gna gna gna gna. Ça c'est pas lol quoi, pas lol. Il est l'or, monseigneur, pas lol. Enfin, c'est... Oh là là là là. Ah si, Rabbi Jacob, attends. Mais... Ah mais ça, c'est parce que c'est des Roland de blagues racistes qui te font rire. C'est le côté, on peut plus rien dire. Il est l'or, monseigneur, c'est la folie des grandeurs qui est... Qui me ferait chier si je le revoyais mon temps. Ouais, absolument, absolument. Mais il y a aussi ce problème-là avec les films de Funès, enfin que j'ai moi en tout cas, c'est que pour beaucoup, ils m'amusent beaucoup pendant la première heure et après peut-être un peu moins. Je pense notamment au grand restaurant, oui c'est ça, qui me fait mourir de rire pendant sa première heure. Et en fait, dès que l'histoire commence vraiment, dès que c'est plus une suite de sketch, on va dire, bah du coup ça me fait un peu chier parce que c'est moins drôle et que on part plus sur de l'action, des courses poursuites de voitures et tout, que du coup un peu relou quoi. Mais non, sinon moi ça me fait vraiment beaucoup beaucoup rire. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire, Yanda? Alors, enfin, qui me faisait rire quand j'étais plus jeune. Ouais, si ça marche encore. Non, si franchement ça marche encore. Moi, j'aime bien de Funès. Rabbi Jacob m'a fait mourir de rire pendant des années et encore aujourd'hui, je pense. L'aile ou la cuisse aussi avec Coluche. Avec certains passages hilarants, ça fait des années que je l'ai pas vu, mais je pense que je le verrai encore. Un film qui m'a bien marqué aussi quand j'étais petit, c'est La vie est un long fleuve tranquille. Ah oui, c'est vrai. Qui est très très drôle aussi et pour lequel je garde encore certaines répliques aujourd'hui encore en tête. Voilà, c'est un peu. C'est après... dans celui-là où il chante Jésus revient, on est d'accord. Hein. Comment? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Jésus revient, oui, c'est ça. Tout à fait. Bouchité qui faisait la vie privée des animaux, qui doublait des animaux, bref. Et donc c'est là on est dans le culte pour moi après l'adolescence et toute la cinématographie d'Albert Dupontiel ou le C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poulvorde mais là c'était un petit peu plus tard, c'était pas enfant, mais ça c'est des trucs qui pour moi sont cultissimes. Bernie le créateur, tout ça, enfin j'en ai pleuré de rire en regardant ces films, mais j'étais pas enfant, j'étais jeune adolescent. Mais c'est marrant, Bernie, oui, Bernie, c'était vraiment, en plus, c'est tellement trash et débile et, et absurde. Et, c'est formidable, Bernie. Et tu vois, le créateur, j'avais poncé Bernie, que j'avais vu, revu et tout. Et quand on l'a pris, il y avait un deuxième film. En fait, je suis allé voir le créateur en m'attendant à voir Bernie 2. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier l'humour absurde, en fait, de le créateur. D'ailleurs, c'est de le créateur, parce que le film, c'est pas du créateur. Ça peut pas s'accorder, parce que le titre, c'est le créateur. Donc, c'est l'humour absurde de le créateur. Tout à fait. La Cité de la Peur, le film de Les Nuls. Eh oui, évidemment. Tout à fait. Ouais, La Cité de la Peur, j'allais dire, personne n'en a encore parlé. C'est souvent vu comme un truc ultra culte. Moi, en fait, je l'ai vu vraiment sur le tard. Je l'ai vu, enfin, je vais pas dire que j'étais adulte, mais j'étais déjà un grand. T'étais fan des Inconnus, toi, donc. Et j'ai pas spécialement de préférence entre les deux, pour être très franc. Ouais, je l'ai vu sur le tard, et enfin si, ça m'a toujours fait rire aussi. Mais tu vois, j'ai pas ce rapport de film d'enfance. J'ai le cas, c'est pas une comédie française, mais j'ai le cas avec les Goonies. Moi, j'ai plein de gens de mon âge qui me disent ah, c'est les Goonies, c'est les films de mon enfance et tout. Et en fait, moi, les Goonies, je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir genre 20 ans. Moi, je l'ai vu pour la première fois cette année. Ah bah voilà, et bah tu vois, ça m'a pas du tout marqué. Et pareil, ça m'a fait chier. Ben ah ouais, je l'ai vu adulte et ça me fait pas rêver. Il a dû vieillir sale, hein. Ouais. C'est comme un retour vers le futur, tu vois, ça vieillit qu'à moitié. Ouais. Non, mais en fait, c'est la hype. Moi, je l'ai découvert pareil à 35 ans, avec quelqu'un qui l'avait vu petit, et on te le vend tellement en disant ah putain, c'était mortel, c'était le film de quand j'étais petit. Et du coup, toi, tu le découvres, c'est un film, quoi. Tu le vois, en plus, tu le vois avec des yeux d'adulte, enfin, c'est pourri. Sinon, dans les films un peu moins vieux, oui, c'est ça. Un truc que j'ai vraiment adoré en comédie française, c'est Les Beaux Gosses de Riyad Sattouf. C'est vraiment très très très marrant pour le coup. J'ai pas vu. Voilà. Comment tu vas calmer le t'as truc. T'as perdu tout le monde. Si, c'est très drôle. C'est un film d'ado. C'est un peu la boom version année 2010, tu vois. Prof. Mais le casting est très très bon. Alors, je me souviens plus du nom des comédiens du tout. Je suis désolé. Mais vraiment, si vous avez pas vu Les Beaux Gosses, regardez-le. Ça va vous faire rire. Vraiment. Voilà. Ça fait rire un mec qui n'aime rien. Ouais, je note. Donc, voilà. Si par rapport à La Tour Montparnasse Infernale, tu le mets où dans ton échelle? Je le mets bien au-dessus. La Tour Montparnasse Infernale, je crois que ça me faisait rire quand j'avais 10-12 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est lourd quand même, non? C'est bien, moi j'aime bien. C'est fantastique, La Tour de Montparnasse Infernale. Ah ouais, non, moi je sais pas, c'est les genres de films qui me faisaient rire gamin, mais aujourd'hui j'ai un peu de mal, quoi. Qui a tué Pamela Rose? Par contre, là oui. Qui a tué Pamela Rose, là c'est le haut du panier. Alors là oui. Alors là oui. Trop bien ça. Écoutez-moi bien, il suffit maintenant, c'est assez. Et alors, Ace Ventura, on cancel ou on cancel pas? On s'en fout, c'est pas français, c'est bon. J'ai jamais aimé, même quand j'étais gamin, Ace Ventura. Contrairement à The Mask où, putain, je l'ai regardé en boucle celui-là. Mais Ace Ventura, pareil. Ça m'a jamais. J'ai jamais accroché, non. Pareil, alors j'ai dû le voir une fois ou deux et j'en ai pas un grand souvenir alors que, effectivement, j'ai vu The Mask plein de fois. Et j'aime beaucoup Jim Carrey. Pour revenir aux comédies. Attendez, c'était les comédies françaises. Alors arrêtez avec Jim Carrey. Donc, viens pas me mélanger. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai commencé. Désolé. Pardon, excusez-moi. Dans les comédies françaises, il y a aussi Les Anges Gardiens avec Depardieu et Clavier. Et ça me fait rire. Mais ça, c'est alors, bien. Tu l'as revu récemment ou pas? Est-ce que tu l'as revu récemment? Par contre, c'est ignoble et la fin est montée avec une truelle. Alors, c'est même pas la fin, c'est tout le film qui est comme ça. C'est horrible. T'as un plan toutes les quarts de seconde. Mais oui. T'as 4 plans par seconde. C'est imbitable, ce truc. Et il paraît qu'en fait, c'est parce que le film devait être plus long avec une autre histoire. Et en fait, ils ont remonté à l'arrache. Apparemment, c'est ça le plan, en fait. Mais par contre, il y a des répliques, que ce soit Depardieu ou Clavier, ils sont vraiment, Clavier en prêtre, il est juste énorme, sincèrement. Quand il est enfermé dans le placard avec la stripteaseuse et qu'il se met à piétiner les chaussures, tu me mets ça, je peux rigoler pendant une heure devant. Pas de problème. Et Depardieu, qui est juste extraordinaire en patron de club de striptease, avec mais oui, ça me fait penser, du coup, le mec qui joue son frère, joue aussi dans l'incroyable meilleure comédie française de tous les temps. Notez-le maintenant. Qu'est-ce et allez voir ce film. Notez-le maintenant et allez le voir. La vie dissolue de Gérard Flock, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, 80, 85, 86. Est-ce que Valentin peut fact-checker? Ouais, bien avec sûr. Roland Giraud. Et t'as Galabru aussi dedans. Oui, tout à fait. 86. Ah, 86, tu vois, j'avais pas trop mal visé. Avec Roland Giraud et Clémentine Célarier, et ça ne raconte pas grand-chose, ça raconte juste l'histoire d'un mec, d'un publicitaire qui est un peu en mode descente aux enfers, tu vois, sa femme le trompe avec un présentateur télé, etc. Enfin, c'est un peu la grosse merde. Mais le casting, il est complètement dingue. Franchement, c'est un des meilleurs films. Il y a Jacqueline Maillan dedans, qui joue sa belle-mère, et Jacqueline Maillan est juste... je crois que c'est un comédien comme ça. Ouais, parce franchement, il y a... Jouer sa belle-mère, c'est quand même un peu... non. Mais genre, des comédiens comme ça, il y en a plus beaucoup, je pense, parce que c'est quand même le haut du panier et c'est vraiment hilarant. Et ce film-là, gamin, c'est pareil, je l'ai vu des dizaines de fois. Donc, La vie dissolue de Gérard Flock, pour vous donner une idée, je l'ai acheté en Blu-ray, les gars, ok? Donc, je veux dire, pour acheter un film comme ça en Blu-ray, c'est que tu l'aimes, tu vois. Donc, regardez-le et si vous riez pas, c'est normal, vous allez me dire c'est un vieux truc de merde, mais moi, ça me fait rire. En vieux truc de merde, j'ai vu il y a 3 jours, j'ai découvert L'Entourloupe avec Marielle Lanvin et Dutronc sur des dialogues de Audiard. C'est pas fifou dans la globalité, mais alors les scènes avec Jean-Pierre Marielle, c'est absolument hilarant. En fait, Jean-Pierre Marielle joue un vendeur d'encyclopédie genre France Loisirs, quoi. Comme les mecs qui vendent des canapés, tu veux dire. Exactement, exactement ça. Il vend des encyclopédies de médecine, et donc en fait, son credo, c'est de dire mais non, mais faut vendre ça aux campagnards qui n'ont pas du tout accès à la culture et tout ça. Et donc, ils vont dans la campagne profonde, mais profonde, où on voit que des tracteurs, des vieilles bagnoles, des barques avec des vaches sur les barques, et puis des vieux, bah, comme connaît Chris apparemment, les ouais, vieux de bah son, oui. Voilà, c'est exactement ça. Et donc il y a toute une scène, ça dure 7 minutes et c'est beaucoup trop drôle, c'est très triste hein, du coup, mais c'est excellent, où il vend une encyclopédie à une pauvre dame et ses 8 enfants qui se fait complètement entourlouper du coup par Jean-Pierre Marielle et Ayanda. Écoutez, et c'est du commerce, monsieur, je ne vois pas en quoi Et comment il retourne la situation à son avantage et qu'il arrive à lui refourguer les bouquins en lui disant que « Mais non, c'est bien pour vous, madame. » C'est beaucoup trop drôle. C'est excellent. L'Entourloupe, un film de 1980. Et c'est... Au moins pour cette scène-là, vous pouvez trouver ça sur Internet. De toute façon, vous tapez Entourloupe, extrait. Vous avez la scène de 7 minutes. C'est super drôle. Il y a un gamin qui se prend une baffe à un moment. Tu te dis « Putain, les droits à l'époque, au niveau juridique, de violence sur les... sur les gens et les enfants. » Comédiens. Hein, ouais. Donc ouais, c'est franchement excellent, de bons moments de rigolade pour ces quelques extraits de L'Entourloupe. Mais globalement, Jean-Pierre Marielle, c'est excellent quoi. Enfin, c'est trop drôle. Moi, j'avais acheté genre dans un pack de DVD pas cher, je m'étais tombé sur Les Grands Ducs avec Rochefort et Noiret et Marielle. Putain, j'en pouvais plus quoi de ce film. Je les regarde, mais franchement, quand je l'ai eu, j'ai dû le regarder tous les jours pendant une semaine quoi. J'étais à fond, c'était trop drôle, j'en pouvais plus. Vraiment, c'était trop bien. Mais ouais. Oui, mais oui. Chose que ne font plus les jeunes d'aujourd'hui. Regarder un film 10 fois. Oh, on va faire les vieux cons là, c'est ça? Mais oui, non, mais il y a trop de choses, il y a trop de choix. Oui, on a plus le changement, c'est le changement de consommation. Tu dis ça par expérience avec tes gamins ou... Non, même moi en fait. Même moi, je me rends compte que du coup, mes modes de consommation filmiques. On va faire au sens large, pas que cinéma, mais filmique, ayant évolué, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins. Enfin, je dois pouvoir compter sur les doigts de mes deux mains le nombre de films que j'ai vus plusieurs fois. Mmh. Alors que plus jeune, effectivement, avant cet accès quasi illimité à catalogue de films, quand tu avais un film, effectivement, tu ponçais la VHS jusqu'à ce que ça ne soit plus lisible, en fait. Mais du coup après je sais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, parce que du coup tu connaissais des films effectivement par cœur, mais à l'inverse aujourd'hui tu vois beaucoup plus de choses, donc normalement ta culture ne fait que s'élargir, hein, tu vois. Ouais, c'est voilà. Vrai. Après, enfin, ayant un enfant sous la main, je peux tester avec lui. Actuellement, il a quand même actuellement il est en vacances, il est en colonie de vacances. Et d'ailleurs je l'embrasse s'il nous écoute. Et d'ailleurs Maxime, si tu écoutes cette émission, ce n'est pas pour les enfants. Hein. Il faut que tu retournes regarder Gulli, ça va pas du tout. Mais non, mais il a tendance, oui, à quand il kiffe un film, à le regarder et re-regarder et re-regarder. Ouais, voilà. Du coup j'ai découvert Karate Kid avec le fils de Will Smith et Jackie Chan, et merde. Je peux vous dire. Voilà, c'est ça. Désolé. C'est Omar. Ouais, c'était pas bien. Et ouais, ça m'étonne pas trop, parce que je pense que quand t'es gamin, t'aimes bien aussi avoir ta zone de confort, et que du coup, si t'as vu un film que tu kiffes, même si t'as pléthore de choix derrière, tu vas retourner quoi qu'il arrive sur ce film-là. Alors, il me semble que c'est un truc de vieux. C'est-à-dire qu'en vieillissant, tu sais que tu commences à avoir de plus en plus de jours derrière toi et que tu as donc de moins en moins de jours devant toi. Et que tu commences à te dire, oh putain, il y a tout ça que j'ai pas vu et ces jeux vidéo que j'ai pas fait, ces comics que j'ai pas lu, je suis à la bourre. Et que tu commences à rattraper le retard. Et du coup, c'est compliqué de te dire, bah non, mais j'ai déjà vu celui-là, je vais regarder un truc que j'ai pas vu parce que chaque film est peut-être le dernier. Oui, attention. T'as la faucheuse à côté qui tape des doigts sur la table avec un grand sourire. Ouais. Et si tu regardes pas un film qui lui plaît pas, elle te zigouille, donc il faut que tu fasses très attention à ce que tu regardes. Elle a pas envie de revoir Jean-Pierre Marielle, la faucheuse. Elle veut voir Interstellar qu'elle a encore pas vu, tu vois, ce genre de choses. Ah oui, ouais. Jean-Pierre Marielle dans Interstellar, il est excellent d'ailleurs. Tu imagines le mind blow total. Mais franchement, avec le deepfake, tu vas pouvoir commencer à mettre les visages d'acteurs sur d'autres acteurs. Quand on va faire la version Interstellar avec Jean-Pierre Marielle, je signe tout de suite. Hein, je suis plus chaud par ça que par le Sony sans Malek Bentala, par exemple. Il faut un imitateur pour redoubler, parce que Jean-Pierre Marielle, ce n'est pas qu'un physique, c'est aussi une voix formidable, une voix qui vient des entrailles. Des intonations. Voilà. sinon, si je peux vous conseiller une... Moi, c'est... Non. D'accord. Non, j'aime pas. On t'écoute. Ah, formidable. Non, la dernière comédie française qui m'a à la fois surpris et fait mourir de rire. Du cobu. Justement, j'étais mort de rire parce que je m'attendais à voir un film tout pourri. Je suis allé voir sur un coup de tête Walter de... j'ai son orthographe parce qu'il a un nom très compliqué. C'est Varant... comment il s'appelle ? Varant Soudjian. Voilà. C'est français, ça, dis donc. C'est français, absolument. N'est-ce pas Yanda ? L'idée, c'est que Walter est un agent de sécurité dans une grande enseigne commerciale dont qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais c'est un grand centre commercial, bref, on s'en fout. Et donc, il est agent de sécurité et il se trouve qu'il y a des petits cambrioleurs, des petits malins, qui vont donc cambrioler le centre commercial en pleine nuit. Et donc, lui, il arrive sur les lieux du crime. Et voilà, il va donc se confronter à cette bande de gens. Alors, franchement, regardez la bande-annonce, vous allez vous dire... Je l'ai vu avec un enfant chez lui, pendant que ses parents sont en vacances à Noël. Vous allez vous dire que c'est de la merde en regardant la bande-annonce. Et bien, effectivement, moi, je m'attendais à de la merde. Et une fois devant, je me suis pris 2-3 fous rires complètement inattendus. J'ai adoré le délire parce que c'est... En tout cas, pour les 3/4 du film, c'est assez crédible dans l'avancement de l'intrigue, puisque en fait, ce sont des petits jeunes de banlieue qui vont faire un casse, en gros, pour résumer, et qui sont bêtes. Ils sont vraiment bêtes, mais pas bêtes, gogoles. Donc tu veux dire que tous les jeunes de banlieue sont des voleurs bêtes ? Non. C'est ça que tu es en train de dire. Non. Tu dis que c'est crédible. Non, on pas va du avoir tout. Des problèmes. C'est que ce ne on sont... va avoir de gros problèmes en dans fait, cette émission. Ce que je dis, c'est que ce ne sont pas des cambrioleurs. Mais qu'ils doivent quand même cambrioler le magasin. Mais c'est des gamins. Et donc, du coup, ils réagissent comme des gamins et ils font les cons comme quand tu fais le con quand t'es en classe. Et ils veulent juste pas. Et quand t'as leur patron qui les rappelle à l'ordre, c'est comme si t'avais le professeur qui les rappelait à l'ordre. Et c'est exactement le même délire. Sauf que, les gars, vous êtes en train de cambrioler un magasin, quoi. Vous faites pas un contrôle de maths. Et du coup, il y a plein de situations comme ça qui sont assez drôles. Ils jouent pas tous bien, mais je trouve qu'il y a une espèce de bonne humeur et de sincérité qui se dégage en fait dans la réalisation du film, dans le jeu d'acteur. Il y a vraiment des chouettes plans, il y a des bonnes idées de vannes. Il y a Alban Ivanov que moi j'aime beaucoup, ouais, qui joue donc le chef des gangsters, et il est excellent dans le film. Et franchement, ouais, je me suis pas d'accord. Mais non, mais je me doute parce que en vrai ça a tout pour déplaire, mais moi je ne sais pas pourquoi il a complètement marché sur moi alors que c'est pas du tout le genre de comédie que je vais voir d'habitude. Mais voilà, si vous voulez une super comédie française sortie là, c'était l'année dernière, allez voir Walter ou laissez-vous surprendre par ce film que Matt va vous démonter dans 5 secondes. 3, et alors, peut-être que 2... tu ne le sais pas, fun fact, les deux jeunes qui accompagnent du coup Ivanov sur le braquage sont à l'affiche d'une web-série sur Internet, sur YouTube, qui s'appelle Les Dégâts. Mais il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas d'affiche. Voilà. Les tu lis dégâts... sur l'affiche, mais il n'y a pas d'affiche, c'est une web-série. Ils ont fait un film d'ailleurs. Et ils en ont fait un bannière. Film aussi, ouais, exact. Ah ouais. Et ça, en fait, j'irais pas voir ça parce que c'est, en fait, je pense pas que ça me fera rire pour le coup. Non, c'est très particulier. Hein, mais voilà. Et je suis convaincu que en fait, si ils me font rire dans ce film-là, c'est parce qu'ils ont été dirigés par le réal et que il a pu en faire ce qu'il voulait, quoi. Mais les gars en eux-mêmes ne me font pas vraiment mourir de rire. Voilà. Vas-y, Matt, à toi. Pourquoi c'est nul? Bah non, je dis pas que c'est nul, je dis qu'on sera pas d'accord. C'est tu me vends le truc en disant en plus il y a Alban Ivanov que j'adore. Moi personnellement, c'est un mec que je supporte pas en fait. Bah voilà. Il risque poil que j'ai vraiment envie de et du coup, bah ça me donne justement envie de pas aller voir le film. C'est-à-dire que pendant que tu étais en train de parler, je suis allé checker sur les internets à quoi ça ressemblait. La première tête que je vois, c'est ce mec-là, je n'ai juste pas envie. C'est Oui, voilà. Bah non, ça va pas. Si t'aimes pas Alban Ivanov, non, ça, ce film. On sait déjà que ça sera pas l'invité du 30e épisode. Voilà, comment peut-on ne pas aimer Alban Ivanov? Mais mon Dieu. À chaque fois qu'il est dans le Burger Quiz, je pleure de. Ah, mais non. Oh, attendez. Ah, mais non. Mais justement, avec. Enfin, à faire que des vannes de collège, madame, il a triché et tout. Oh là là. Enfin, c'est pas drôle, quoi, franchement. C'est. Je sais pas, ça marche pas, quoi. Alban Ivanov, c'est le meilleur humoriste. Enfin. C'est l'humoriste que j'ai vu le mieux faire un gitan. Voilà, c'est quoi cet argument pourri? Non, mais c'est extraordinaire. Ça m'a fait. Ce sketch-là, on dévie encore. Mais enfin, le sketch du gitan par Alban Ivanov, mais je pleure de rire à chaque fois, quoi. C'est enfin, il est très très fort. Moi, j'aime beaucoup. Alban, si tu nous écoutes, voilà. Le tu viens quand tu que veux. Cet établissement et on, est tenu voilà. par quelqu'un d'irrespectueux. Je suis pas dit que c'était de la merde, dis-lui que j'aimais pas. Quelques BAT sur Brave et puis voilà, on reste bons copains. Moi, j'irai voir Valentin, j'irai voir. Et j'en profite pour conseiller aux gens d'aller checker Nicky Larson. Moi, dans mes bonnes surprises, j'ai vu beaucoup de gens qui bâchaient le film avant de le voir. Moi, j'en attendais pas grand-chose. Je me disais, voilà quoi. Et en vrai, le Nicky Larson de Philippe Lachaud, c'est très, très bien. C'est une très bonne comédie d'action qui est assez... qui est vraiment dans l'esprit en fait des gens qui ont grandi devant ce film-là, et ça fonctionne très bien, et je me suis pas emmerdé. Il y a même une vraie intrigue à la Nicky Larson dedans, et du coup c'est un oui. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et voilà. La suite est confirmée d'ailleurs, il va y avoir une suite. Bah c'est plutôt une bonne nouvelle, j'irai la voir, voilà. Yes. Sinon, pour parler de comédies françaises avec lesquelles on a grandi, puisque je crois que c'est le sujet de ce soir. Non mais Yanda a essayé de lancer la suite, mais on l'a court-circuité en reparlant de films. J'ai une comédie dont j'aimerais connaître votre avis aussi, mais Valentin avait la parole, je laisse. Ah ouais, je laisse la main. Pardon. Et puis après j'aurais fait le tour de. fait le tour après. D'ailleurs, je tiens à vous dire, j'ai compris les règles de pyramide. Ah, c'est moi. Parfait. C'est moi, le mec qui a Substantif. Compris la règle, c'est moi. Parfait. Charlemagne. Ah oui. Merci Pépita. Bon, pyramide, alors... le jeu qui a été construit par les extraterrestres. mais oui, on parlait de cassettes qu'on a poncées, qu'on a usées jusqu'à la corde, jusqu'à la moelle de la cassette VHS. Pour moi, ça a été, et pareil, je n'ai pas honte de le lire, ça a été le dîner de con avec Thierry Lhermitte. Ah oui. T'as pas honte, t'as un peu tout sauté quand même. Et Villeray. De quoi? T'as un peu fait. Je n'ai pas honte de le. Ah oui. De le dire. Non, mais bien sûr. Oh, non, en vrai, j'ai vraiment pas honte parce que ce film me fait. Et j'en ai revu quelques petits bouts il y a pas très longtemps. Et 15 ans après, ça marche tout. Non, plus que ça. 20 ans après, peut-être. Ça marche toujours autant. Ça me fait vraiment mourir de rire. Et c'est un classique que je kiffe et que je regardais une fois par semaine. Quand j'étais gamin, pendant plusieurs mois, ça a duré. Hein, ouais. Donc je le connais vraiment, vraiment par cœur aussi, celui-là, pour le coup. Voilà, c'est sans doute ma comédie française que j'ai le plus poncé quand j'étais gosse. Ah ouais, plus que Les Bronzés font du ski alors? Plus, ouais. Ouais, mais c'est générationnel, toi, c'était Les que Bronzés j'ai vu font plusieurs du ski, fois. Mais Valentin, c'était le dîner de. J'ai vu plusieurs fois Les Bronzés font du ski, c'est super drôle, mais effectivement. Ah, moi, Les Bronzés font du ski, j'ai découvert méga tard. Genre, je devais avoir 17 ans, quoi, tu hier. Vois. Ah ouais. Ouais, bah du coup, c'est ça. Tu avais 17 ans il y a déjà plus de 20 ans, hein, je veux pas te faire de mal. Oui, mais... c'est ça, bah c'était en 97. Donc c'était quand même méga tard pour la sortie ah du oui, film. C'était quand même assez tard. Méga tôt pour vous, mais méga tard pour la sortie du film. Un an avant notre première étoile sur le maillot, putain de merde. Et il n'y a aucun lien, c'est quand même dingue. Hein. C'est fou. Le monde, vraiment, et la vie. Il faudra qu'on fasse un épisode un jour, ouais, sur les décalages générationnels. Par exemple, là, moi, au taf, je commence à bosser avec des gens qui sont nés après la Coupe du Monde de 98 ouais. et même après l'éclipse de 99. Genre, ils ont pas connu Paco Rabanne et la station Mir. Ah la vache. À chaque fois, je dis, alors tu sais, tu peux leur vendre ça comme si c'était un truc. Et tu te souviens pas du bug de l'an 2000 quand les Terminators ont attaqué les villes et tout. Tu sais, tu peux leur vendre ça. Ils savent pas, ils étaient pas nés. Tu peux leur dire, ouais, on s'est battu avec les machines, on en a chié, mais c'était pour vous, les jeunes, pour que vous ayez un monde sans guerre. Et c'est énorme. Mais ouais, c'est énorme, tu vois. On peut vraiment. Quand tu commences à bosser au travail avec des gens qui sont nés après ton dépistage. Quand tu commences à bosser au travail, c'est mauvais signe. Un bon travail, tu bosses pas. Mais ça, c'est parce que toi, tu as un bon travail. Mais du coup, moi, je suis un peu obligé de travailler. Et, mais quand tu vois, tu commences à avoir des collègues qui sont nés après ton dépucelage, c'est chaud. C'est chaud. Quelle horreur. Mais ils sont pas nés 9 mois après ton dépucelage, pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est que potentiellement, du coup, tu peux être le père de tous ces gens-là. Quoi. Donc, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ça devient. Du coup, putain, je les regarde comme un connard. Quand je les croise dans les couloirs, je suis ouais, d'accord, ok, fais tes lacets. et eux, ils sont pareils. Ah ouais, d'accord, vieux con. Ouais. Ouais, ok, boomer. Tu vas me fâcher là. Non. Tu sais que cette phrase me fait beaucoup de mal. Elle me. C'est vrai. Bah oui. Parce que je te considère comme un boomer. J'en suis victime. Non, comme un ok. Ah, comme un ok. Vieux, c'est dans la tête. Hein. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une phrase de vieux. Je le suis. Moi, je voulais votre avis sur un film que vous n'avez pas évoqué, assez curieusement, j'aurais envie de dire. Enfin, je pense, après, ça va dépendre de vos avis. Même c'est si la crise de Colin Serrault. Non. C'est le bal des casse-pieds. Non plus. Non, on est bien plus loin dans le temps. C'est. Alors, attendez. C'est. Les galettes de Pont-Aven. Comment ça. Le truc de famille, là, putain, non. Avec Bakri et Jaoui, là. Non. Cuisine et dépendance. Non. Cuisine et dépendance, il y a des punchlines là-dedans, laisse tomber. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps, j'étais mort de rire aussi. C'était pourtant une super idée, une phrase de Noël qui me permettra de trouver. Les 11 commandements ? Non. Mission Cléopâtre ? Non. Comment on passe de 11 commandements ouais, à Mission Cléopâtre ? C'est pas mal. Ça date de quelle décennie ? C'est une bonne question. Je vais demander aux internets. Puisque oui. Notre fact-checker. Je ne peux pas car je n'ai ne pas peut la réponse. Pas fact-checker. ça date de 2006. Ça reste. Ah, OSS 117. Oh, il est bon. Le fact-checker est bon. Le Kerny d'espion. Ouais. Excellent. On est sur de l'excellence. Ça fait partie des films qu'il faut que je revoie rapidement parce que moi j'en ai un souvenir absolument exceptionnel et il faut que je sache si ça a bien vieilli dans ma tête ou pas parce que effectivement il date de 2006 donc ça commence à dater un peu maintenant. Moi je sais que le deuxième que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça me fait vraiment hurler de rire. Il faut que je revoie le premier voir s'il est aussi drôle et j'en sais rien en vrai. Je ne sais pas. Mais moi, quand je l'avais découvert à l'époque, j'en avais pleuré de rire au cinéma, oui, absolument. Ouais. J'aime bien Jean Dujardin, est quelqu'un qui m'est extrêmement sympathique, du moins à l'écran. En vrai, je ne sais pas si c'est quelqu'un de vraiment fréquentable, mais en tout cas, à l'écran, j'aime beaucoup ce monsieur. Un peu comme nous, quoi. Genre ici, on a l'air sympa, mais en vrai, on n'est pas du tout fréquentable. C'est ça, absolument. Et donc ouais, on est sur de l'excellent, ouais. Absolument. Très bien. Et toi, à toi non par contre. Ah si si moi si. Oh, ah oui, si. Si, si. Ah si si moi c'est validé. Le pseudo absurde j'ai envie de dire l'absurde mais avec un sous-texte voilà c'est j'aime beaucoup je suis client. Pas moi. Je le voyais parce que vous n'avez pas l'image hein ce qui est bien dommage mais j'en avais déduit cette conclusion. Grâce à son faciès disgracieux. Tout à fait. grâce au coin de lèvres qui est légèrement descendu et à la pupille qui s'est légèrement dilatée et contractée. Oui, je fais du mais mentalisme. C'est surtout que oui. j'ai fini mon verre de rhum cul sec et en général, c'est pas ah, bon. C'est signe, ça, quoi. Ça a coincé. Ouais, bah non, ça me fait pas rire. Moi, je l'ai découvert cette année. Je l'ai vu pour la première fois cette année. Ça a dû passer pendant le confinement, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça a dû passer à la télé. Donc, je suis tombé dessus. J'ai commencé à regarder. Enfin, c'est à peu près cette période-là. Et non, j'ai dû tenir, je sais pas, une demi-heure à tout péter. Ça me fait pas rire. Je trouve ça pas drôle. Du coup, ça me fait pas rire. Non, mais il y a rien qui me plaît. Et le 15 millième degré de personnages détestables pourris marche pas du tout en fait. Pour moi, il est détestable pourri au premier degré et j'ai aucun recul par rapport à ce truc-là et ça ne marche pas quoi, pas du tout. Et en plus, je trouve que les trucs sont écrit avec le cul, qu'il y a plein de trucs, il y a plein de vannes que tu vois arriver, il y a plein de... Et en fait, à jouer le côté... regardez, on fait de la mauvaise blague et c'est écrit en mauvaise blague, en fait, ça pourrait aussi être simplement mal écrit et facile et enrobé parce qu'il fait cette espèce de tronche de Playboy des années 60, je sais pas. Ça marche pas du tout et je... Ça, pour reprendre un mot de ma génération, ça m'horripile un peu, ce film. En fait, ça me... C'est physique, quoi. Ça me... Voilà. Comme l'accent belge. Alors, ce n'est pas l'accent belge, c'est l'accent de Belfort avec lequel j'ai énormément de mal. Ah. L'accent belge, ça peut passer. J'ai pas encore vu tous les Hocus, d'ailleurs, dans lequel il y a de l'accent belge. Mais oui, l'accent de Belfort, ça me fait des choses... ça vous fait ça ou pas? Quand ça t'horripile vraiment, ça me fait genre de l'électricité dans la colonne, tu sais, je suis mal à l'aise, ça me fait des trucs, vraiment, ça me... C'est une gêne physique, quoi. Voilà. Et donc, non, je trouve ce film relativement détestable. Très bien. Merci. D'accord. Écoute, je vous donnerai bientôt... Moi, je ne les ai pas vus, ces films. Comme je disais, je suis pas du tout client des comédies françaises. Jean Dujardin, pourquoi pas, j'ai pas plus de... Il me fait pas plus rire que ça, mais pourquoi pas. Et du coup, je n'ai vu aucun de ces deux films, donc je vous donnerai peut-être mon avis un jour dessus. Mais en tout cas, ça m'a pas du tout attiré. Mais comme je le disais, les films français, je suis pas vraiment client, quoi. Donc, en fait, c'est assez dur de me le vendre. Donc là, du coup, c'est pas hyper bien vendu, parce que j'ai Yanda qui me dit « Si, regarde-le !» et Matt qui me dit « Non, on le regarde pas !» J'ai pas trop quoi faire. Oui, mais tu sais dans quelle équipe tu es. Donc, c'est vrai, je sais. À partir je de sais. Là. C'est vrai. Dujardin, moi, je l'aime bien, notamment parce que j'ai grandi avec lui, en fait, avec les Nous, c'est nous d'abord. Ensuite, il y avait ouais, un gars, moi aussi, fille. Je voyais ça gamin. Ensuite, OSS 117 et tout ça. Et donc, c'est un mec que. J'ai vu sa carrière évoluer depuis que je suis gamin. Il y a aussi ça qui joue et qui fait que j'aime bien ce monsieur. Au-delà du fait que, moi, il me fait rire, notamment dans les OSS. Il me fait bien marrer. Mais j'aime bien le mec, donc, tu vois. En vrai, j'ai plutôt de la sympathie pour l'acteur. Et effectivement, il y a des trucs des Nous c'est nous qui m'avaient fait marrer et tout. C'est pas le mec, quoi. C'est vraiment le personnage ouais, en fait, le personnage et le film en lui-même, quoi. Bah le film, je vais pas juger. J'ai vu que des bouts du personnage et j'ai pas eu l'occasion de voir le film. Ça se trouve, c'est hyper bien. Ça se trouve, il y a un vrai récit, c'est dantesque, c'est hyper bien écrit et tout. Mais non. Mais il est tellement, il est tellement détestable vraiment, quoi, que ça me j'arrive pas à prendre du recul, tu vois. Là, c'est ça qui me fait marrer, c'est le côté transgressif, en fait, tout en sachant très bien, parce que le sous-texte est là, que c'est lui qui est con et que en fait, on est plus là pour se moquer de lui qu'autre chose. Mais t'as aussi le côté transgressif où lui se permet de dire des choses méchantes juste parce qu'il est bête, quoi. Moi, ça me fait rire. Et pareil, peut-être que je verrai ça maintenant, que je découvrirai ça maintenant avec... tous les sujets un peu touchy qu'on voit sur internet et tout ça et qui m'interpellent aussi, ça me ferait peut-être un peu moins marrer, mais je sais pas, non, là je trouve ça rigolo, peut-être parce que ça a été fait en 2006 aussi et que... Bref, je sais pas. Peut-être parce que ça l'est, hein. C'est, il est possible, alors je sais, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais il est possible que j'ai mauvais goût. Non. Il va falloir l'envisager. Non. Je ne dis pas ça comme une certitude. Non. Mais alors, il est possible de pouvoir avoir cette conversation. Ce soir, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux. OSS 117, c'est de la merde. J'avais pas percuté jusque-là, mais non, tu as raison. C'est nul, c'est pas drôle. Alors qu'on pourrait tous se faire une bonne soirée à popcorn. Un petit conseil cinéma qui n'est pas un film français, mais que j'ai découvert il y a pas très longtemps, dont je n'avais jamais entendu parler. Oui, c'est les Goonies. Tu l'as dit tout à l'heure. La Tour Parnasse infernale. C'est à couteau tiré avec Daniel Craig. C'est trop bien. J'avais jamais vu une seule bande annonce. Réalisé par Rian Johnson, qui a donc fait Star Wars 8. Et c'est très bien. Et voilà, et en fait, j'en avais jamais entendu parler, j'ai vu aucune bande-annonce, je savais même pas que ce film existait, c'est vraiment bien. C'est sorti en 2019, du coup, l'année dernière. Ouais, et moi, je suis un gros client, tu vois, des polars à l'ancienne, d'Agatha Christie, tout ça, j'ai lu tout ça quand j'étais un peu plus jeune, et du coup, ça marche trop bien, ouais. Et c'est vraiment génial, donc regardez ce film-là, parce que j'en ai pas entendu parler, donc je sais pas si c'est moi qui suis passé à côté, ou s'il a pas eu la promo qui méritait, mais il mérite qu'on y jette un œil. C'est toi qui es passé à côté, parce que ça a plutôt... Je suis donc une merde, merci Valentin. Non, allez, bonne tout. Soirée à tous. tous. Pas du tout, non, non, c'est juste que notamment chez les des influenceurs de ciné de Twitter, ça a pas mal. Je pense à Vesper qu'on a parlé, je crois que le fossoyeur de film aussi. Mais j'ai bloqué tous ces gens parce qu'ils n'étaient pas du même avis. Bref, donc je les ai bloqués. Ça a un peu fait le tour. Et ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que ça se dirige vers une licence. Il va y avoir une suite et potentiellement une licence tirée de ce truc-là. Et si tous les films sont aussi bons que celui que ce premier opus, du coup, à couteau tiré, ça promet d'être une chouette nouvelle licence, du coup, et un bon nouveau perso, parce que Daniel Craig dedans est très bon. Et, effectivement. Et ouais, il faudrait... J'ai hâte de voir la suite. Et je vous le conseille également, comme notre ami Chris. À couteau tiré. Avec Daniel Craig. Réalisé par Ryan Johnson. Aidez-moi, c'est gênant. Le mec qui a fait Star Wars vite. Le maudit. Du coup, c'est des documents qu'on peut trouver en DVD, en Blu-ray. C'est des documents qu'on peut acheter grâce à des liens affiliés, par exemple. Par exemple. Tout à fait. Qui permettrait de faire rentrer de la caillasse. Ouais, c'est important. Dans les staminaires. L'autre façon, évidemment, c'est de continuer à naviguer avec Brave, votre nouveau navigateur préféré. Et puis, puisque nous sommes des créateurs Brave, désormais, vous pouvez aller sur le site estaminaire.fr et puis nous donner vos bats, voilà, pour qu'on puisse avoir plein de sous. Ou alors, vous télécharger Brave grâce au lien affilié. On a eu 2 téléchargements quand on a publié le lien affilié pour télécharger Brave. On a eu 2 téléchargements. C'est cool. Et 0 installation. Donc, on n'a rien gagné. C'est moins cool. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Vous êtes convertis, Matt et Chris, de toute façon, puisque juste après qu'on ait parlé, vous êtes empressés d'installer cette merveille et de l'utiliser de manière quotidienne. Tout à fait. Sincèrement, je suis pas un gros fan de techno et tout. Enfin, je suis pas hyper pointu sur ces sujets-là, mais je sais que Yanda est très calé et surtout qu'il est de bons conseils parce que c'est un, comme on a parlé notamment de la vie privée, etc. C'est un gars qui est assez carré là-dessus. Donc, je me suis dit, si Monsieur Yanda est aussi dithyrambique quant à ce navigateur internet, c'est qu'il y a une bonne raison. Et effectivement, j'ai installé Brave et j'ai l'impression de faire gentil un truc sponsor. J'ai installé Brave et depuis ma vie a changé. C'est vraiment incroyable. Merci, avec Monsieur un truc Yanda. Mal doublé. Grâce à Brave, ça, alors c'est incroyable. J'ai économisé 71 mégas de bande passante. Mais il y a pas le doublage en synchro labial décalé. Et non, vraiment, ouais, je suis conquis parce que quand tu vois le nombre de trackers qui sont bloqués par le navigateur, tu te rends compte à quel point des sites comme Facebook, par exemple, vérifient tout ce que tu fais. Idem pour les sites de commerce en ligne, etc. Et en plus, eh bien, tu gagnes de la bande passante. Tu gagnes au niveau de ton, par exemple, si t'as un forfait. Si t'as un petit forfait, tu sais, genre AOL 20h, eh ben tu vas gagner un petit peu de débit, donc c'est quand même pas mal, quoi. Et ouais, et puis ça permet de bloquer pas mal de merde qui check un peu ton navigateur. Et quand comme moi tu passes ta vie sur des sites porno, bon moi c'est voilà, pas la peine. T'as pas forcément envie que tout le monde le sache, ouais. Voilà quoi. Bon bref, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, donc on va pas refaire tout l'historique dessus. Moi j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, et notamment parce que j'ai besoin d'avoir 2 navigateurs, simplement parce que j'ai une utilisation très particulière pour ma vie pro et une utilisation un peu plus... Pour le porno. Pour le porno, voilà. Pour le porno et donc pour ma vie personnelle. Et du coup, moi j'avais tendance à utiliser 2 navigateurs, à utiliser Chrome pour la vie pro et à utiliser Firefox pour la vie perso. Et en fait, j'ai voulu passer, alors comme Chris, totalement... Totalement en confiance avec le discours de Yanda, de ces sinistres personnages, hein, parce qu'on a vu qu'il arrivait à vendre des canapés à des vieilles dames, et là on dit il nous a vendu un navigateur, on l'a tous installé, donc on est juste on s'est juste fait rouler en fait. Mais non, ça va bref, bien se passer, vous inquiétez pas. J'ai voulu installer le truc, et d'autant que j'ai vu qu'il y avait une gestion multiprofil, et donc ça me permettait d'avoir un seul navigateur pour mes 2 vies, vie pro et vie perso. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait un peu dégager le navigateur, mais j'ai eu quelques problèmes. D'abord, il mélangeait plein de trucs. Il mélangeait les favoris et les mots de passe que je retrouvais sur un profil et pas sur l'autre, ou alors j'ai retrouvé tout sur les 2. Et puis à un moment, il s'est mis à se fermer tout seul. Je lançais le truc et puis au bout de 20 secondes, il clashait. Alors, je sais pas si c'est les extensions que j'avais installées ou ce genre de truc, mais en plus, ça pose... y a des sites où tu te rends compte que les trackers font partie intégrante de la façon de naviguer. Et notamment, je vous invite à checker ou éditer du contenu sur Dailymotion avec Brave. Et c'est assez fascinant parce que ça met bien 25 secondes à pouvoir afficher la page, le temps que le site te dise « Bon, bah d'accord, j'aurai pas de réponse à mes trackers, donc je finis par te délivrer le contenu. » Et donc, ça permet aussi de voir quels sites sont optimisés pour avoir une vie avec leur tracker ou pas, quoi. Et bref, en l'occurrence, moi, c'était très compliqué de travailler avec, donc j'ai commencé par le retirer pour ma vie pro. Et puis après, il a commencé à cracher dans tous les sens, donc je l'ai aussi retiré pour ma vie perso, après une dizaine de jours. Et je l'ai réinstallé là, il y a un peu plus d'une semaine, où je l'ai réinstallé en mode que vie perso, en me disant « Putain, j'ai pas envie d'être le seul des quatre à être resté sur le bord de la route et à pas avoir pu franchir. » Bah, tu sais, moi, je viens de l'installer à l'instant, donc tu vois, j'étais bien sur le bord de la route, moi. Ah, tu nous as bien baratiné depuis tout ce temps. Et en revanche, il y a plein de trucs, tu vois. Enfin, j'ai vu que Yanda avait généré un certain nombre de bats grâce à sa navigation. Donc le bat, c'est la monnaie et les crédits qui sont générés suite à ta navigation, parce que Brave est censé te permettre de gagner quelques centimes en rémunérant en affichant de la publicité et en rémunérant tes usages sur internet. Moi, ça reste définitivement à zéro et c'est très très très triste, et je comprends pas pourquoi je n'affiche pas quelques millièmes de centimes, tu vois, pour ma navigation. Il y a plein de trucs comme ça que je trouve pas. Enfin, le fait de devoir, par exemple, gérer tes bats, il faut que tu aies ton portefeuille, il faut donc que tu crées un compte dessus, tu as ton truc Creator, puisque bah, il a fallu mettre les staminaires en Creator sur Brave pour voir un peu comment ça marchait et tout. Et ouais, je à la fois, je trouve ça fascinant de voir. Je vous invite à faire une expérience, vous ouvrez TweetDeck, donc le multi-client de Twitter, dans un onglet, et puis dans un autre onglet, vous gardez le nouvel onglet de base de Braves, et il va vous indiquer le nombre de balises de pub bloquées. Et vous allez voir le compteur monter, comme ça, tant que tu laisses TweetDeck tourner derrière, c'est assez fascinant. Mais oui, c'est intéressant de voir, du coup, ça te renvoie aux usages, et à ce que les sites te montrent pas, à toutes ces balises, à tous ces trackers, à tous ces trucs-là. En revanche, ouais, je trouve pas ça hyper méga simple et hyper méga intuitif à utiliser. Et visiblement, ils le savent, puisqu'il y a plein de moments où tu as des problèmes, tu cliques sur un bouton et ça te dit « signalez-nous qu'il y a un dysfonctionnement avec le site ». Donc, ils attendent aussi beaucoup de remontées d'utilisateurs. Donc, de ce point de vue-là, ça peut peut-être évoluer rapidement. Mais pour l'instant, je suis convaincu par le bien fondé de ce truc-là. Je ne suis pas complètement convaincu par les promesses qui m'ont été faites dans cette émission concernant les avantages et la souplesse d'utilisation de ce navigateur. Perso, moi, j'ai pas eu, ça a jamais craché ni rien. Je m'en sers depuis qu'Yanda en a parlé dans le podcast, donc c'était même avant la publication de l'épisode. Pardon, je l'ai installé et j'ai jamais eu de soucis. Ça a toujours fonctionné quoi que je fasse avec. Mais j'ai pas eu de. Je pense que c'est le multi-compte qui fait ça. Mais t'as fait de la synchro sinon entre ton téléphone et Brave ? Non, j'ai installé Brave sur mon téléphone, mais je n'ai pas synchronisé les deux comptes. J'ai vraiment laissé. Pour le coup, Brave sur téléphone, c'est pareil, j'ai pas activé les pubs, etc. C'est vraiment juste le côté blocage de tracker et voilà quoi. C'est plus le côté vie privée et gain de données. Mais j'ai pas exploré le côté publicité et tout, parce que sur mobile, ça devient vite galère. C'est pas opti en plus. Ouais, c'est voilà. C'est opti, pas vraiment. Le programme, la fonctionnalité Brave Rewards n'est pas encore optimisé pour le mobile. Dixit Brave eux-mêmes, puisque quand Matt avait eu des soucis dessus, j'avais regardé un petit peu et effectivement ils le disent clairement sur les forums sur les forums de Brave que le toute cette fonctionnalité là de rewards, donc de publicité qui génère des bats que tu cumules, etc., sur le mobile, c'est pas encore super super opti. Non, et puis encore, il y a plein de, enfin c'est con, mais il y a plein de boutons de formulaire, par exemple, qui fonctionnent avec des trackers. Et il y a des sites où bah tu mets ton nom, tu mets ton mot de passe, t'appuies sur valider, et ça marche pas parce qu'il y a des trackers dedans. Et t'es obligé de désactiver la petite tête de lion là, le petit protection activée pour ce site. T'es obligé de désactiver la protection pour que le site puisse fonctionner. Et de ce point de vue-là, c'est Moi j'ai pas eu le cas, mais. Ah non, mais t'as pas acheté un récupérateur d'eau sur Jardiland, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Après, tu parlais du côté, de l'aspect, il faut bidouiller un peu, il faut chercher comment ça fonctionne et tout. En fait, je crois que ça fait un peu partie du jeu. C'est ce que je disais. Moi, je suis pas hyper pointu dans ces technologies-là, mais dès que tu sors un peu des standards, dès que tu utilises plus Windows, que tu utilises plus Google, que tu utilises plus voilà les trucs. Dès que tu bidouilles un peu et que tu vas vers des solutions un peu alternatives, ça te demande de faire un petit effort généralement de aussi pour apprendre à utiliser des outils qui sont peut-être pas ceux auxquels on t'a habitué depuis des années et qui ont des fonctionnements un peu différents. En l'occurrence, la promesse qui nous a été faite là, c'était que ça fonctionnait sur le moteur de Chromium, donc ça devait Tu devais quand même pouvoir retrouver rapidement les habitudes que t'avais avec un autre navigateur. À ce niveau-là, c'est pas un souci. Après, là, toi, tu parlais plutôt du côté les BATS, ouvrir un portefeuille électronique, etc. Ouais. Ça, c'est un truc à appréhender, à découvrir, parce que tu l'as jamais fait avant. Mais je trouve. Mais du coup, t'as combien de BATS toi là en attente? Comment? Si tu cliques sur le petit triangle là, t'as combien de BATS toi en attente que t'as généré? Là, actuellement, j'en ai. Sur le combien de BATS en attente? J'en sais rien. J'en ai 6,950. Ce qui vaut 1,78$. Ouais, d'accord. Et voilà. Moi, je suis toujours à 0,0000 après une semaine d'utilisation et un premier test de 15 jours, tu vois. Donc c'est... Et ben, tu sais pourquoi? Parce que le fondateur de Brave est fan de De Funès. Ah oui, c'est ça. Et du coup, le mec et a vu OSS. Que toi, t'étais pas trop branché De Funès. Il a dit, oh lui, les gars, on l'allume, il gagne rien. Donc voilà. Donc c'est aussi ma petite frustration. Tu vois, je regarde mon compteur monter, je vois que ça monte pas. Où sont mes bats? Et c'est pareil, du coup, j'ai ouvert un truc, c'est Uphold, c'est ça? Ouais. Ouais. Et pourquoi est-ce que Uphold, c'est censé être ton portefeuille de crypto-monnaie? Pourquoi est-ce que j'ai encore un truc portefeuille de crypto-monnaie avec bienvenue sur le portefeuille, il faut l'ouvrir? Alors que j'ai déjà ouvert, il est sur Uphold. Et quand je vais sur mes crypto wallets, ils me proposent un portefeuille local ou alors Ledger ou alors Trésor. Et les vieux et l'informatique, c'est vraiment un play. Mais ouais, c'est ça. Non, mais en fait, dès que j'essaye d'apprendre à ton grand-père, tu sais, à taper un truc sur Word ou un truc. Ah, c'est chiant, c'est chiant. On va faire un TeamViewer, Matt. Je vais te paramétrer tout ça, t'inquiète. En même temps, gars vient de passer de Internet Explorer avec Dailymotion à YouTube sur Brave. Franchement, le fossé est terrible, hein. C'est sûr que. Et je comprends pas parce que je trouve pas où brancher le clavier sur mon téléphone. Tu pourras me montrer aussi ou pas? Non, mais en vrai, enfin voilà, je peux être enclin à bidouiller des trucs et il y a plein d'outils où ça me paraît, enfin tu vois, où je m'en sors et je bidouille et voilà. Parce que sinon je serais pas crédible pour la deuxième partie de cette rubrique. mais ouais, en l'occurrence ça va peut-être expliquer certaines choses, mais en l'occurrence je pige pas la logique du truc. Il y a une vraie, et en particulier ça s'est ressenti quand on a fait l'épisode sur les crypto-monnaies, toute la logique là qui va autour et le fonctionnement de ce truc là, c'est la partie que je comprends pas. Et du coup c'est la partie qui devrait être un peu valorisante sur Brave et qui permet de justifier le fait que t'aies bah quelques déconvenues et que ce soit un peu plus lent sur des sites par exemple comme Dailymotion ou ce genre de choses, de dire oui mais il y a aussi une carotte à l'autre bout et donc il y a des petits il y a des avantages et il y a 2-3 inconvénients. Et si j'ai que les inconvénients et pas les et que je vois, j'arrive pas à faire marcher les avantages, je ne me sens pas je sais pas, je finirai cette phrase un autre jour. Alors au-delà de la façon dont peut-être moi je voulais présenter en appuyant beaucoup sur ce côté, cette fonctionnalité Rewards, ça c'est vraiment toute une partie du navigateur qui vient compléter les intentions premières du navigateur. Bah, quand tu vas sur le site de Brave, de toute façon, quand tu arrives sur la page, là la promesse, en tout cas les valeurs véhiculées par le navigateur, c'est vraiment une navigation plus propre, plus respectueuse, et c'est vraiment sur ce point-là que le navigateur et la boîte derrière focalise son travail, quoi. Donc tout, effectivement, ce blocage automatique de tracker, le fait d'être automatiquement redirigé sur une connexion sécurisée en HTTPS si jamais le propriétaire du site n'a pas fait les redirections lui-même propres. Tout ça, c'est fait de façon transparente pour l'utilisateur. L'accès à Tor, il y a l'accès à Tor à l'intérieur, c'est trop bien. Il y a ça aussi. Ça, c'est vraiment l'objectif premier et principal du navigateur. C'est vraiment de permettre aux gens, sans avoir à installer tout un tas d'extensions, puisqu'en fait elles sont natives au navigateur, d'avoir quelque chose de plus sécurisé, de plus propre et de moins exposé. Toute la partie rewards, qui est effectivement, je suis d'accord, un petit peu plus avancée en termes d'utilisation, Et encore que, elle l'est si vraiment tu abordes tout le côté créateur, où effectivement, pour pouvoir récupérer derrière ces bats en les transférant en euros ou dollars, bah, il faut que tu aies effectivement un compte chez Uphold, qui est un gestionnaire de crypto-monnaie et qui est donc un établissement bancaire à proprement parler. Puisque en tant qu'utilisateur simple de la fonctionnalité Brave Rewards, tu cumules des bats, mais techniquement, tu peux pas les récupérer en tant que tel. Tu les réinvestis en fait derrière sur des créateurs validés X ou Y par le navigateur. En l'occurrence, votre podcast préféré, Les Stamineurs, ou également vos créateurs de contenu préférés, puisqu'il me semble que leur chaîne YouTube et même leur compte Twitter, si vous ne les avez pas bloqués, sont aussi des créateurs validés par Brave. Mais voilà, la fonctionnalité première en tant qu'utilisateur du navigateur, c'est vraiment tu accèdes à ce côté, enfin tu actives cette fonctionnalité Rewards, tu as des publicités qui vont popper et qui vont te permettre de gagner un petit peu de BAT au fur et à mesure, et derrière ces BAT tu les réinvestis soit de façon automatique et tu laisses le navigateur gérer, puisque de base le navigateur redistribue une partie ou l'ensemble des BAT tous les mois en se basant sur ton historique de site visité. Donc si tu ne visites voilà, c'est... Moi, je vais changer dedans et je mets les staminaires à 100%. Oui, parce que tu l'as changé. Mais de base, bah oui. De base, voilà, si tu actives le rewards et que tu fais rien derrière, tu vas cumuler des bats et ils seront reversés automatiquement. Mais et après, tu peux effectivement customiser un petit peu plus, choisir de faire des dons ponctuels ou des dons récurrents d'un certain montant précis ou pas, etc. Et tout ça, si tu le retrouves listé dans la page des options. Mais c'est vraiment une fonctionnalité supplémentaire au navigateur. C'est quelque chose qui vient en plus. C'est autre chose, quoi. Après, moi, je suis utilisateur de Brave depuis un bon moment maintenant. J'avais commencé par l'utiliser au boulot en complément de Chrome, parce que bah, ça m'embêtait un peu d'utiliser Chrome pour le développement web. Les outils proposés par Chrome sont vraiment très très bons. Et ben, sauf que comme c'est basé sur Chromium, on retrouve les mêmes sur Brave. Donc j'avais basculé sur ça. Et j'ai basculé aussi sur le perso chez moi, sur mon ordi, sur le mobile. Avant d'avoir activé le programme Rewards, j'utilisais Brave déjà aussi, et j'ai jamais eu de soucis comme ceux que tu as décrit toi. J'ai jamais non plus utilisé la synchro de compte, j'ai toujours gardé en dissocié, mais ça c'est parce que c'est un truc que j'ai jamais fait sur aucun navigateur quel qu'il soit. Moi j'avais poussé le vice, j'étais en synchro multi-compte avec des extensions qui n'étaient pas les mêmes sur les deux comptes. Ouais, mais donc tu vois, voilà, ça on dirait, j'ai on poussé dirait un peu le truc quoi. On dirait mon beau-père qui trafique son ordi à longueur de journée et qui, au bout de deux jours, dit à mon épouse, donc sa fille, je comprends pas, j'ai pété le truc, ça ne marche pas. Mais oui, mais si on, à force de bidouiller les trucs et de partir de l'état où ça marche et dire, mais alors attends, si je fais ça et que si je rajoute ça et si je rajoute un truc un peu tordu, forcément, régulièrement, ça va coincer. En l'occurrence, j'ai un usage spécifique parce que je passe beaucoup de temps sur Internet. Mais je l'ai vexé. Sachez, chers auditeurs, qu'il a fait un léger bond sur sa chaise. voilà. Je pense que j'ai touché. C'est parce que Monsieur Yanda, je suis actuellement doté du mal au cucu. Hein, donc je ne peux pas rester assis très longtemps. C'est une blague. Non mais j'ai pas hacké la machine, tu vois. J'ai juste j'ai activé le fait d'avoir deux comptes. Chacun de mes comptes avait sa propre clé de synchro. Pour retrouver ses paramètres, ses favoris et tout sur les navigateurs des autres postes informatiques sur lesquels je peux être amené à travailler. Et comme je n'ai pas besoin des mêmes extensions, j'ai pas besoin d'extensions pro sur mon compte perso, et j'ai pas besoin d'avoir des trucs d'achat sur mon truc pro quoi. Donc j'hébergeais en fait vraiment deux navigateurs, mais j'ai poussé la configuration pour avoir un truc qui corresponde vraiment à mes attentes, mais à aucun moment je suis rentré dans le moteur de la machine. Donc peut-être que je suis allé trop vite par rapport à un truc qui est encore en développement, mais en tout cas, je suis pas allé dans le hack et tout. Donc, je n'ai rien à voir avec le papy dont vous parlez et qui allait casser son ordinateur. Bref. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance avec la technologie puisque j'étais aussi sur un autre dossier depuis quelques temps. Et en fait, le fait qu'on ait parlé de Brave, ça m'a réveillé aussi à ce truc-là. C'est toutes ces histoires de vie privée et de données qui sont captées par nos téléphones portables. Et je m'étais intéressé à un truc il y a plusieurs mois déjà, un truc qui s'appelle E. Alors c'est en fait, ça s'écrit /E/, et c'est E solution je crois sur internet si vous voulez chercher. Et en fait la proposition que font ces gens, c'est de fournir une couche Android, donc pour ton téléphone, qui serait dégooglisée, donc qui serait complètement débarrassée des balises de Google et du fait que Google en fait envoie en permanence, même quand tu ne sers pas de ton téléphone, fait des remontées d'informations et donc traque plein de trucs de ta vie privée, quoi. Donc c'est censé remettre un peu de vie privée dans ton téléphone qui fonctionne avec Google. J'avais essayé ce truc-là en décembre en achetant un téléphone. Il y a très peu de téléphones qui sont compatibles aujourd'hui. Notamment, il y a les S8, les S9 et il y a quelques autres modèles. La liste complète est sur le site e-solution, si ça vous intéresse. Donc j'avais acheté un téléphone compatible et je m'étais décidé à faire l'installation parce que c'est pas mon premier rodéo cowboy et donc flasher des Android un peu custom, bon je l'avais déjà fait ces trucs là, il y a que avec les navigateurs web que j'arrive pas à faire des trucs, mais flasher de l'Android j'y arrive, et en fait c'était hyper compliqué à faire, il fallait mettre des ROM, il fallait passer de la ligne de code, il fallait refaire du Linux, il fallait passer en mode terminal, en SSH, en tous ces trucs un peu barbares, et je m'étais un peu cassé les dents dessus. Et ça m'avait saoulé en décembre, ça m'avait vexé en fait. Et du coup, j'avais renvoyé la bécane en disant oh, c'est bon, ça me fait chier, rendez-moi mon argent, tout ça. Et ça m'a repris quand on a parlé de Brave, et donc je suis allé sur le site, et en fait, ils ont des solutions préinstallées où tu achètes ton téléphone, qui est un téléphone reconditionné, avec le système préinstallé dessus. Donc j'avais pris cette solution-là en me disant bah écoute, cette fois, ça va fonctionner. Et donc effectivement, ça fonctionne, tu reçois ton téléphone, et il y a des logiciels déjà qui sont préinstallés. Il y a une alternative à Google Maps, il y a eu un client mail, il y a un navigateur, et il y a plein de trucs qui te permettent de. En théorie, de sortir de Google. Mais la promesse qui est quand même faite, c'est que malgré tout, même si c'est une hérésie complète, tu peux réinstaller des applis genre Facebook, Twitter et tout ça sur un téléphone dégooglisé parce que si c'est des applis dont tu as vraiment envie et besoin, tu es censé pouvoir le faire. Et en fait, c'est là où tout se corse. Puisque c'est devenu, installer des trucs, c'est devenu la bonne galère. Parce qu'effectivement, c'est dégooglisé, donc tu n'as pas accès au store. Tu as accès à un store alternatif. Tu peux après installer les applis du Huawei Store ou de plein de stores alternatifs, mais le Google Store, tu ne peux pas le réinstaller. Et donc, tu ne peux pas avoir des applis de façon un peu courante et commune. Donc, il y a plein d'applis que tu peux réinstaller et utiliser. Si tu veux remettre WhatsApp, si tu veux remettre Facebook, si tu veux remettre Twitter sur ces trucs-là, ça fonctionne. Mais en l'occurrence, après, il y a des applis un peu thématiques. Il y a des applis de tes radios, par exemple, tu les trouves pas. L'appli de ma banque, j'ai jamais pu la trouver. Puis après, il y a des trucs un peu spécifiques, des trucs de domotique. L'appli pour piloter ma chaudière, par exemple, tu vois, parce que j'ai une chaudière 2.0. Tous ces trucs-là, c'est impossible de les retrouver. Donc après, il faut commencer par passer par des solutions alternatives. Il faut trouver un store dans lequel l'appli a été mise. Il faut installer le store. Il faut trouver l'appli. Je galérais, ça marchait pas. Donc j'ai utilisé une appli qui sert à extraire les APK. Donc les APK, c'est les fichiers de tes applis de téléphone. Pour sortir les applis qui étaient installées sur mon premier téléphone, les transférer vers le nouveau et faire que ça fonctionne. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas parce que ça fonctionne avec des applis tiers qui ne sont pas liées et donc t'embarques l'appli principale. Mais en fait, c'est comme si tu prenais, c'est comme si tu prenais une salopette mais sans les bretelles. Bah, la salopette elle tombe, tu peux pas la porter. En plus, à chaque mise à jour, faut recommencer ça. Et à chaque t'as pas de mise à jour automatique. T'as pas de mise à jour automatique, donc, faut que tu refasses le process. J'ai passé 48 heures, un peu plus, à m'arracher les cheveux, à avoir réinstallé dessus 10 applis. Et c'était hyper compliqué quoi. Et du coup, j'ai renvoyé le téléphone pour me faire rembourser. Et j'ai reçu un mail qui m'a un peu agacé, qui semblait un peu condescendant, d'un développeur visiblement qui me disait bah tiens, j'aimerais bien savoir quelles applis vous avez pas réussi à installer sur le truc. Alors je pense qu'à partir du moment où t'as trouvé la source d'install de l'appli, ça fonctionne. Mais il y a plein d'applis pour lesquelles j'ai galéré à les trouver. Tu vois, je veux bien comprendre que ma chaudière et que le truc de ma chaudière soit un peu compliqué à trouver, mais genre, l'appli de ma banque, il n'y a pas que les banques internationales qui doivent être listées sur ces trucs-là. Je dois pouvoir avoir des trucs à la con, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, enfin la Banque Postale. Tu dois pouvoir trouver ces trucs-là. Tu dois pouvoir, parce qu'à un moment, si on te dit la promesse, c'est Google n'espionne plus votre vie privée. Mais qu'en fait, tu peux plus te servir de ton téléphone. Bah oui, évidemment. Comme je m'en sers plus, il y a plus d'espionnage, ça c'est sûr. Comme disait Nadine Morano, avant que les téléphones portables existent, il y avait beaucoup moins de vols de téléphones portables. Eh mais c'est vrai. Elle ne dit pas que des conneries. Elle l'a vraiment dit. Et oui, elle a raison. Mais c'était très très compliqué. Et je suis un peu vexé de ce truc-là parce que c'est un projet que j'ai mûri, j'ai étudié le truc, j'ai regardé comment ça marchait et tout. Et arrivé dessus, je me pète un peu les dents, quoi. Et ça te renvoie après à des trucs un peu insolubles. C'est-à-dire que si tu décides de sortir vraiment de Google, comment tu remplaces les fameuses applis, on en a déjà parlé ensemble, mais l'appli contact de ton téléphone qui fait que bah, tous tes contacts sont enregistrés dans ton compte Google, que tu les retrouves sur ton Gmail et que tu les retrouves dans l'annuaire de ton téléphone, que quand tu changes de smartphone, bah, tu retrouves encore tes contacts à l'intérieur. Ok, si tu veux sortir de Google, comment tu récupères tes contacts? Et comment tu réimportes, je dois avoir 1200 entrées dans mon carnet d'adresses, comment tu réimportes ces 1200 entrées à la fois dans l'annuaire de ton téléphone et dans l'annuaire de ton nouveau client mail et ce genre de choses. L'outil, moi, m'a paru un peu trop hardcore à utiliser. En tout cas, je n'avais pas le niveau, donc je l'ai renvoyé. Mais ça renvoie aussi à un truc philosophique, c'est comment est-ce que tu sors de ces outils et de cette facilité à laquelle on nous a habitués, quoi. Eh bien, c'est très simple, Néo. Non, pas du tout. moi, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, ouais, le souci, c'est qu'en fait, tu peux décider de sortir de tout ça. Mais effectivement, du coup, tu peux pas avoir l'utilisation. En fait, tout le monde, monsieur tout le monde, si je puis dire, le client lambda, il est dans ce système-là. Il a Twitter, il a Facebook, il va poster. Enfin, déjà, nous, on fait partie des gens qui vont pas poster tous les détails perso de nos vies sur Facebook. Moi, j'ai énormément de gens que j'ai en ami Facebook que je connais à peine. J'ai la photo de leur gosse, leur numéro de téléphone, leur adresse. Il y a des gens qui ont tout posté en public sur Facebook, tu vois. J'ai une copine qui vient de poster des photos de ses gamins à poil à la plage. Il y a de la stouquette sur Facebook, quoi. Enfin, c'est quelle horreur. Mais les gens se rendent pas compte. Tu vois, toi, t'as cette, parce que t'es un peu paranoïaque, donc t'es au stade de dire il faut que je me coupe de Google et tout. Tu vois, non, mais c'est vrai, on a tous ce côté. Tu vois, moi, je vais te dire, ah, les trackers sur Internet, c'est pas top, machin. Mais les gens, le quand je dis lambda, c'est pas méchant. Hein, je veux dire, c'est pas un truc méprisant. Enfin, un peu, mais bon là. je veux dire, l'utilisateur lambda d'Internet, il se pose pas toutes ces questions. Il est content de pouvoir envoyer des photos à mamie par Facebook. Il est content de pouvoir commander un nouveau canapé sur je sais pas quel site. Et parce que l'ancien qui en a vendu est pourri. et je veux dire, il se pose pas toutes ces questions. Donc en fait, effectivement, à partir du moment où toi tu te poses ces questions-là, où tu veux sortir de ce système-là, il est évident que tu peux plus utiliser les mêmes outils que les gens, puisque ces outils-là sont par nature faits pour rentrer dans ta vie privée et avoir accès à toutes tes infos. Donc il faut essayer avec parcimonie. Je pense que le meilleur moyen pour qu'un truc ne se retrouve pas sur Internet, c'est de ne pas le mettre sur Internet, spoiler. Donc effectivement, moins t'en mets, mieux c'est. Après, il y a forcément un moment où si tu utilises des applis comme Facebook, Twitter et compagnie, où il y a une partie de tes données perso qui vont se barrer là-dedans. Et ça, je crois que tu peux pas y échapper, quoi. Sincèrement, je crois qu'il y a un moment où t'as forcément une petite partie qui finira par t'échapper, même si tu peux, par le simple fait d'une auto, pas d'une auto-censure, mais d'un auto-contrôle, peut-être, je sais pas, sur tes... Ouais, voilà, exactement, je cherchais le mot, merci. On voit les bons coéquipiers dans cette émission. je pense que voilà, c'est à toi de faire la démarche d'abord, en fait, avant de chercher des outils qui sont bien, de déjà éviter, en fait, de mettre trop de trucs perso, quoi. Ouais, enfin, moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est arrêtez de mettre des photos de vos gamins, arrêtez de mettre votre adresse, votre numéro de téléphone partout sur voilà, et même les relations. Enfin, je veux dire, quand tu vois Facebook, les mecs, ils ont leur arbre généalogique sur Facebook, quoi, cousin de machin, tante de bidule, mais Facebook, il a pas besoin de savoir ça, quoi. Enfin, tu vois, et nous, on s'en fout aussi, donc mettez pas ça sur Facebook. Et ça, alors ça, c'est un des soucis. C'est vous l'avez fâché, vous êtes content. c'est effectivement le partage abusif de données, et que les gens n'ont effectivement pas cette conscience, parce que je pense pour 90% des gens, on ne leur a même pas expliqué, ils n'ont pas cherché à savoir, ils n'en ont tout simplement pas conscience. Non, mais c'est safe pour les gens, c'est ton ordinateur, c'est ton téléphone, c'est tes copains, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc il y a effectivement toute une éducation d'utilisateur à faire au niveau de la donnée, mais il y a aussi le souci que soulevait Matt, qui est à juste titre, c'est cette emprise tentaculaire qu'ont acquis ces gros groupes, dont notamment Google en tête de liste, en fournissant des outils qui, en termes justement, on en parlait tout à l'heure d'intuitivité, c'est ce qu'on se dit, oui. Ouais, ça doit marcher. Enfin voilà, de ce qu'on va appeler de l'expérience utilisateur, sont hyper intuitifs, hyper simples à prendre en main. C'est joli, c'est pour n'importe quel type d'utilisateur. T'as pas besoin d'être pour être dans les clichés, un gros barbu qui embraye de la ligne de code à longueur de journée pour arriver à t'en servir. C'est très facile. Mais ne te dévalorise pas, Yanda. tu n'es pas si gros. Merci. Mais après, effectivement, le jour où tu prends conscience de tout ça et que tu as envie de d'avoir une utilisation un petit peu plus maîtrisée, en tout cas de tes données et de savoir qui fait quoi avec, tu te rends compte que c'est vachement difficile d'en sortir parce que ça a tout un tas de répercussions sur des outils tiers ou sur des données qui en fait sont communes à tout un tas d'utilisations. Et en fait, c'est vachement compliqué. Mais parce que ça fait plusieurs années que ces outils-là sont en place, que tu utilises et qu'il y a eu des évolutions aussi d'utilisation, puisque si tu regardes même ne serait-ce que Gmail et toute la suite Google, au fil des années, elle a évolué et ton utilisation de ces outils-là a évolué aussi, de façon à ce que ça soit encore plus connecté et interdépendant, parce que c'est une volonté de Google, parce que justement, c'est plus difficile d'en sortir. Quand tu te rends compte que si tu dois changer de client mail, effectivement, la gestion des contacts qui est aussi sur ton téléphone Android, c'est la même et que tu as 1500 entrées à te refader à la main, x2 si tu changes de client, tu vas plutôt te dire « Ah ouais, non, relou, en fait, je vais rester sur Google. » Et au final, voilà. Alors, tu fais un premier pas dans le sens où tu vas faire un petit peu plus attention dans l'utilisation que tu vas faire, mais tu ne peux pas, alors que c'était ton souhait premier, quitter définitivement ces outils-là pour en utiliser d'autres, quels qu'ils soient. Et ce monopole-là, effectivement, il est gênant. Tu peux pas simplement... Pour aller un peu plus loin, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, par exemple, les créateurs ne se barrent plus de YouTube, parce que tu peux plus te barrer des plateformes comme ça. Enfin, tu vois, les gens sont prisonniers des plateformes qui, aujourd'hui, sont incontournables, quoi. Tout à fait. Ça s'applique également à YouTube et à son modèle économique ou son modèle de données. Donc voilà, le bilan, c'est soit que c'est compliqué, soit que ça y est, je suis trop vieux pour la techno. C'est l'un des deux. Et je pense que la vérité est pile poil entre les deux. Oui, bien sûr. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui utilise, on va dire Google, mais même Facebook, les gros groupes, même Microsoft. Hein. Si tu es un utilisateur de la suite Microsoft en tant que tel, c'est pareil. Hein, si tu veux en sortir, c'est même combat. Hein. Mais je pense que c'est compliqué de sortir complètement pour arriver sur des outils entièrement libre ou en tout cas propre. C'est pas infaisable, mais c'est très compliqué. Je vous invite à aller sur le site de l'association Framasoft qui propose tout un tas d'outils libres et propres dans les utilisations qui sont d'excellentes alternatives. Eux militent pour un monde numérique dégooglisé notamment, ou en tout cas démonopolisé. Mais je pense que sortir complètement de ces outils-là, c'est compliqué. Par contre, avoir conscience de l'utilisation que tu as de ces outils et des implications que ça va engendrer au niveau de tes données, ça déjà, il y a énormément de travail à faire parce que tu peux très bien utiliser ces outils, parce qu'ils restent très bien faits, mais il faut savoir que l'utilisation de ces outils va engendrer de la diffusion de données à plus ou moins grande échelle et que cette donnée, elle peut être utilisée pour tout un tas de choses. À partir du moment où tu as ça en tête, effectivement, au-delà du respect de la personne, tu vas peut-être réfléchir à deux fois avant de partager une photo de tes gosses à poil sur Facebook parce que, rappelons-le, une photo, c'est hyper facilement retrouvable. Et même si ton compte est privé ou ce que tu veux, etc., machin, à partir du moment où une information est sur Internet, elle est trouvable, plus ou moins compliquée, mais elle est trouvable. Et voilà, c'est... Alors encore une fois, je vais passer pour le grand méchant loup qui veut faire peur, mais voilà, il faut avoir conscience qu'à partir du moment où tu partages quelque chose sur Internet, tu le mets plus ou moins directement à la vue des gens ou à la vue des groupes publicitaires et qui pourront utiliser cette donnée, alors non pas pour savoir ce que tu fais, mais pour savoir quoi te proposer comme contenu publicitaire, parce que tu seras plus enclin à aller cliquer et à aller dépenser tes sous. Et pour boucler la boucle, puisqu'on a parlé de BD en début d'émission, si vous aimez ces sujets, je vous invite encore une fois à lire The Private Eye, sorti chez Urban Comics, qui est un truc de Marcos Martin et Brian Kevogan, et qui parle justement des deux générations qui viennent après nous. En fait, le grand-père du héros, c'est un mec de notre génération dans cette BD. Et ça raconte le monde après que Internet ait explosé et qu'en fait tout ce qui était sur Internet soit devenu public d'un coup. Voilà. Tous nos historiques de navigation. Et vous pouvez aussi regarder Black Mirror pour voir le système de société où les gens sont notés en fonction de leurs comportements sociaux. Qui existe vraiment. Ouais, vous regardez la Chine aussi. Et qui maintenant existe vraiment, mais tu peux l'étendre au comportement en ligne. C'est quelque chose qui, malgré tout ce qu'on peut penser, serait extrêmement simple à mettre en place, extrêmement flippant, mais extrêmement simple à mettre en place. Si tu voulais profiler les gens en fonction de leur comportement en ligne, c'est très très facile à faire. Déjà, on note tout. Avant, on notait, êtes-vous content de l'achat que vous avez fait en ligne sur notre plateforme et tout pour avoir Trustpilot. Là, j'ai commencé à recevoir des trucs et on m'a demandé de noter le livreur. Est-ce que le livreur a été courtois? Est-ce qu'il a respecté les gestes barrières? Est-ce qu'il est arrivé à l'heure? Est-ce qu'il était, est-ce que sa présentation était soignée? Et il fallait que je note ces critères-là. Et tu dis, putain, mais j'ai pas envie, en fait. Moi, j'ai mis 5 étoiles au mec, tu vois. Enfin, on est d'accord que t'es pas obligé. Non, t'es jamais obligé. Ouais. T'es jamais obligé. Mais c'est quand même incitatif, quoi. Votre livraison s'est déroulée. Puf, t'as directement le truc avec les pictos. Et j'ai eu peur qu'on soit passé à l'étape au-dessus où tu sois obligé de noter le mec. Bah, y a personne. Y a pas un mec, un policier d'internet qui vient pour te dire, mais attends, tu notes! En te mettant des petits coups derrière la tête. Pas encore. Ça va arriver, ouais. Bientôt, ton ordinateur sera bloqué tant que t'auras pas noté. Tu pourras pas tirer de ton ordinateur. C'est ça, ouais. Mais ouais, enfin, je trouve ça flippant de dire, bah, ce pauvre livreur qui doit gagner un SMIC et tout, moi, on me demande de dire, ah bah non, il a été un peu transpirant. Bah oui, il vient de passer la journée dans son camion, le mec. Alors évidemment, il a pas eu le temps de se mettre un coup de déo entre chaque livraison. C'est détendez-vous, quoi. Je trouve ça hyper flippant. Bref, est-ce que pour se quitter sur un truc un peu un peu cool, faisons un petit truc réjouissant. Quel a été le meilleur moment de votre quinzaine? C'est quoi le petit truc agréable, le petit truc où vous vous êtes dit putain, le petit live achievement, où vous étiez où c'était cool, vous étiez un peu content de vous, vous étiez partageons un peu de feel good avec les gens qui nous ont écoutés depuis plus de 2 heures. Moi, ça va être très simple et très rapide. C'est le feel good, c'est très simple, c'est les trucs du quotidien. C'est ce que j'ai fait avant-hier. Du coup, j'ai fait une sieste dans un hamac chez mes parents en pleine campagne. Aucun bruit de bagnole, que des bruits de petits osios de vent dans les feuilles, de petits insectes qui font bzz bzz. Le chien et le chat de la famille qui. J'ai dit 2 minutes du peuple, les petits insectes qui font bzz bzz, qui font les petites tortues. Voilà. Et ben, c'était un pur moment de bonheur. J'ai trop, trop kiffé. J'aime les hamacs et j'aime les siestes. Voilà, c'est dit. C'est beau. Chris est en panique. Il faut qu'il trouve quelque chose qu'il a aimé. Il est pas bien. Ouais, un truc positif, c'est difficile hein, dans ce monde qui part à volo. Le mec qui finit sur un truc horrible. Non, en vrai, moi je suis assez. J'ai bossé encore aujourd'hui sur ma prochaine vidéo et je suis assez content du truc. Voilà, je suis assez content de moi. Je peux le dire. Je pense qu'il faut savoir se jeter des fleurs de temps en temps. Tu veux nous dire de quoi ça parle ou c'est secret pour l'instant? Non, je peux te dire qu'on va parler de Captain America. Voilà. Encore, ouais, enfin, ouais, c'est vrai que... Cette fois, tu veux dire que c'est un drogué, cette fois? Non, c'est au moins... Bah non, je l'ai déjà fait. C'est au moins ma troisième vidéo sur Captain America, je crois. Et ouais, on va parler du Captain America des années 50. Et si vous connaissez Captain America, vous savez qu'il y a un petit mindfuck, puisqu'il est, normalement, il était dans la glace dans les années 50. Voilà. Qui est donc ce Captain America? Donc, t'es content de ta vidéo? Ouais, franchement, en fait, je suis pas content de, c'est pas genre en mode j'ai fait un truc trop bien. Je suis content d'avoir écrit sur ce sujet-là et j'ai vraiment kiffé écrire sur ce sujet-là. Je trouve que Captain America, c'est un perso super intéressant et t'as des tas de pistes à chaque fois. Enfin, c'est vraiment la représentation d'un siècle d'histoire aujourd'hui presque. Et ouais, enfin, je suis content d'avoir choisi ce thème-là et d'avoir pu écrire un truc qui me plaît, d'avoir pu aborder un sujet, ouais, qui me plaît. Ouais. Voilà. Captain America, on va en reparler quand on parlera de faut-il éditer les œuvres historiques? Faut-il parce qu'on va parler de ça. Ouais, un autre jour, ça va être trop bien. C'est ouais. Ce okay, que d'accord. Je me suis dit, ah bon, c'est, okay, c'est dans la liste, très bien. Ouais, bah oui, okay. Bah oui, on l'a dit. Est-ce qu'il faut cacher les fesses des sirènes sur Disney Plus? Est-ce qu'il faut redessiner les ennemis asiatiques de Captain America qui étaient des représentations racistes scandaleuses justement dans les années 40? Dans la vidéo, on sera déjà un peu sur ce, on est déjà un peu dans le sujet des retcons, donc on est déjà un peu dans ce thème-là, puisque c'est de la retcon qui s'arrange avec la réalité. Ah bah quoi. Cool, bah écoute, je vais regarder ta vidéo, comme ça j'aurai des trucs à dire pour le prochain épisode. Yanda, c'est quoi ton petit plaisir? Bah écoute, mon petit plaisir, c'est que je reviens de quelques jours de vacances en famille avec les miens et c'était du coup mes premières vacances depuis depuis Noël dernier, donc depuis 6 bons mois et c'est cool de pouvoir un peu sortir la tête du taf. Première vacances où je n'avais pas d'ordi avec moi, donc seule consultation internet était le mobile, donc pour un utilisateur tel que moi c'est extrêmement limité déjà, mais c'était bien du coup, comme c'était un téléphone de chez eux, il n'a pas pu faire grand chose. En vrai, vous êtes salaud, je suis persuadé que eux c'est très bien, c'est juste que moi j'ai pas réussi à m'en servir, mais je pense qu'à terme ça peut être opti et très bien. Donc voilà. du coup c'était très cool, c'est quelques jours en famille, la tête à aller faire des balades dehors, les premières leçons de photo à mon fils et de composition avec la règle des tiers et comment on cadre et tout machin, parce qu'il est très sur ça là depuis quelques temps, il a envie de faire des photos et voilà, donc c'était aussi l'occasion de faire ça avec lui, c'était très chouette et voilà, c'était cool, quelques jours de vacances qui font du bien. On n'est pas forcément allé très très loin parce que coronavirus. Parce que t'habites déjà dans une région en plus paradisiaque. On est sorti de la région quand même, mais on n'est pas forcément allé à l'étranger ou à des trucs de fou. C'était très bien. C'était une petite déconnexion numérique et quelques jours entre nous très sympathiques. Yeah. Et toi, Matt? Moi j'ai fait les travaux et du coup j'ai refait la déco de mes toilettes que j'ai pu repeindre, et j'ai pu changer le lino que j'ai massacré scandaleusement et j'ai changé la lunette des chiottes. Et le petit plaisir, la petite satisfaction, c'est de te dire que tu es le premier à poser ton cul sur cette lunette et à faire un bon petit caca des familles. Voilà, c'est mes lunettes, c'est moi qui les ai inaugurées, personne n'a posé son cul avant moi. Des lunettes qui il y avait la date dessus, qui ont été produites en novembre 2018. J'étais assez étonné de voir qu'elles peuvent passer quand même longtemps dans les entrepôts, donc je les ai quand même un peu nettoyés et tout avant, mais je suis le premier à m'être servi de ces lunettes et j'ai fait le caca de la satisfaction. Voilà, c'était pas le plus beau, le plus gros, le plus puant que j'ai pu faire, le plus sale, tout ça, mais c'était celui qui m'a donné le plus de satisfaction dernièrement. On en revient toujours au caca dans cette émission quand même, pour c'est finir, c'est quand même assez étonnant, c'est quand même un truc, hein. Il y a un truc, c'est pour ça que j'ai placé mon anecdote à la toute fin, évidemment. Voilà. Quel talent. Donc n'hésitez pas à refaire vos toilettes ou juste à, parce que les toilettes non c'est pas ça fait pas plaisir, mais changer la lunette et pouvoir s'en servir, c'est un petit cadeau qu'on s'offre, hein, ça tu voyages pour 25€ et t'es content de la vie. Voilà, c'est ça. Ah putain, par contre quand j'ai démonté la lunette d'avant, parce que tu la dévisses et tout, franchement il y avait une sorte d'auréole jaune et tout de visiblement qui doit être donc de la pisse rance séchée et qui techniquement doit être un mélange entre la mienne, celle de mon fils et celle des anciens propriétaires. Non, ça c'était pas... Il y a un peu de la mienne aussi. Pas du tout sympa. Ah oui, t'es allé au premier étage toi? Ah ouais, moi j'ai fait pipi partout chez toi, ah oui, dans toutes les pièces. Waouh. Je vais découvrir des petits trucs, ça va être très sympathique. Du coup, voilà, c'était ma petite satisfaction. Eh bien, merci. Excellent. Satisfaction. Excellent. Caca. Évidemment, que dire de plus ? Évidemment, enregistrer cet épisode avec vous était une autre satisfaction, mais un peu moindre, je ne vous le cache pas. Oh. Que dire de plus ? Rien. Moi, je vais vous faire un bisou et puis disparaître et puis vous laisser conclure. Et n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner au podcast et de laisser des commentaires et de laisser les 5 étoiles et de parler du podcast autour de vous si vous le trouvez intéressant, évidemment. Parce que si c'est pour dire à tonton Michel, j'ai écouté le podcast des 4 connards, c'était vraiment pas terrible, je ne suis pas sûr que ça nous sert, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment votre tonton Michel. À sauf plus s'il a un compte Twitter. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Nous y reviendrons la prochaine fois. D'ailleurs, j'ai noté que l'histoire du péage que tu as annoncé en début d'émission n'est pas passée dans cette émission-là. Donc, ce sera certainement pour le prochain épisode. Donc, soyez là, restez connectés, restez avec nous ou restez avec nous. Choisissez la conjugaison que vous souhaitez, ou restez avec nous, exactement, ça fonctionne aussi. Merci pour votre patience, on est encore une fois sur un épisode de plus de 2 heures, mais c'est toujours aussi cool d'être avec vous, les copains. J'espère que ça vous aura plu, mesdames et messieurs les auditeurs, auditrices, écriture inclusive, même à l'audio. Merci la communauté, merci la vie, les liens d'affiliation, le code créateur et Staminerd, n'oubliez pas, c'est important. Épisode de 3 heures maintenant. et au-delà de la vanne, à très bientôt. Salut. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Et surtout, lavez-vous les mains.